Chers amis, Flot de Casteldi en tout genre, bonsoir. Vous êtes les bienvenus pour fêter ce numéro exceptionnel du Floatcast. Exceptionnel car il s'agit déjà du 14e numéro. Ah, ça file. Je me trouve actuellement là où est enregistré le Floatcast. C'est un petit peu la maison mère, le musée, comme on dit entre nous. Et je me tiens devant ce micro qui est aussi un micro culte, car il s'agit de celui qui est utilisé par Mr. V. Et forcément, qui dit numéro exceptionnel, dit conditions exceptionnelles. Des lumières américaines, du son Dolby Surround THX, une buvette à rafraîchissement et évidemment des places payantes. D'ailleurs, à ce sujet, merci pour l'argent. Toutefois, nous vous invitons à suivre quelques règles élémentaires de bienséance afin que cette soirée se passe le mieux possible pour tout le monde. Il est interdit de téléphoner pendant l'intégralité de ce Floatcast pour ne pas déranger les artistes. Les artistes? Eh, on les a vus les Web Comedy Awards, hein. Oh, les artistes! Il est autorisé de filmer pendant la soirée, alors peut-être pas l'intégralité parce que ça va faire beaucoup de mémoire vive, espace de stockage. Vous pouvez aussi prendre des photos, mais toutefois, essayez d'éviter le flash pendant tout le spectacle. Spectacle, pareil. Bon, c'est pas un spectacle... Ouais. Redescendez, vous êtes pas Damien XVI non plus, tu vois. Il est interdit d'accoucher pendant le spectacle. Attends, quoi? C'est quand même vachement spécifique comme... Ok, donc... On serre les cuisses, on garde les os, ok? Il est interdit d'investir dans le bitcoin ou toute autre forme de crypto-monnaie. La liste est super longue quand même, hein. C'est chiant un peu. On peut aller à l'essentiel? Toutefois, et je serai absolument catégorique sur ce point, il est fortement conseillé d'enculer. Quoi, non? C'est dans le règlement, si, j'ai lu le truc, on peut... C'est marqué. C'est écrit noir sur blanc, je te dis! Tu m'as pas fait venir pour rien, là, quand même. Et maintenant, préparez-vous pour un show hors du commun. Profitez du spectacle, amusez-vous. Je vous souhaite la plus belle des darkas, Squeezy First. Vous êtes chaud? Il s'agit du flow de cast. J'ai senti un truc. Qu'est-ce que c'était? Je viens de vivre un truc absolument dingue. Bonsoir le Bataclan! Bonsoir! Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour le 14e numéro de Floatcast. On a voulu le faire du coup dans une salle un peu cool, un peu en public. Alors je préfère vous le dire tout de suite, on a eu une petite merde. Adrien devait venir. Non. En ce moment, il y a des petites grèves SNCF et il est sur le tournage d'une série dont on n'a pas le droit de dire le nom, qui se passe dans un autre. C'est gros. Et donc, du coup, il n'a pas vu bien. Mais je vous rassure, on a tout prévu puisque j'ai le bras long dans le show business. Je connais des gens. Donc. Je peux moi aussi y arriver. Je vous présente Jean-Marc. Jean-Luc, on n'a pas les droits. Jean-Luc, est-ce que tu es content d'être là ce soir? Ah bah oui, mais il y a des têtes de cons dans le public. Jean-Luc, oh celui-là. T'es quand même content de voir les gens. Est-ce que t'es chaud pour ce soir, Jean-Luc? Ah, je suis chaud, mais parle-moi après, tu pues de la gueule, hein. Oh non, Jean-Luc. On va faire ça une petite heure 20 déjà. T'as un mot à dire peut-être pour les gens qui sont à la salle, Jean-Luc? Ouais, bah voilà, Flo, tu m'avais demandé d'enregistrer deux phrases pour le spectacle. Donc je les ai enregistrées, voilà, bah bon, c'est bon spectacle. Voilà. Attendez. Quel est ce son? Quelle est cette étrange mélodie un peu modifiée car libre de droit? Oh, c'est parti! Bonsoir. Enfin, quand je fais ça, faut arrêter, on refait tout. Je prends la carte. Maxence, tu reviens, on refait depuis le début. Non, attends. Je prends la marionnette et tout. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Adrien Méniel. Oh. Enfin. Mais c'était un prank depuis le début, j'étais là, voilà. On vous a j'étais bien pranké, là. Hein. C'était lui qui faisait la marionnette. C'était moi la voix, j'étais juste là, enfin ça va. Bon, ça fait plaisir de te voir. On va faire un flagast en fait, on va pas... Voilà, on va... Après, vous pouvez y aller, nous on... Ouais. Vous pourrez l'écouter après sur iTunes et tout, quoi. Oh écoute, si on enregistre, c'est pas dit. C'est une blague. Si ça marche. C'est pas forcément ça. Ça a déjà merdé, hein, l'enregistrement. Je parle aujourd'hui, ce soir. Hein. Ouais, on devait enregistrer la première partie de Théo, on a dit, ah là, t'as donné une carte mémoire pleine. Je fais, ah cool. Je suis un débile. Arrête. Dis pas ça. Alors écoute, on va accueillir les deux premiers invités. Petit jingle. Faites un maximum de bruit pour Mister V. Et Erwan et Monsieur Poulpe. Lolo? Non, Éléonore, toi c'est... Ok. En fait, toi tu viens après pour faire une chanson. T'es pas invité. Attendez, on parle. Ouais. Non, c'est cool, vous participez. Non, mais tu sais, on avait dit... Non. Dans le mail, tu viens pour faire une chanson, mais après, t'es pas... Bah, attendez, ouais. Est-ce que vous voulez qu'Éléonore soit invitée? Bah oui, mais non, on peut pas, parce qu'il y a pas assez de micros, en fait. Ils sont juste, pas si chauds que ça. Mais tu reviens après, c'est pas... C'est Léonore Cosse, mesdames et messieurs. Allez, à toutes. Tu nous en veux pas, Léonore? Ah. Tout se passe bien. Elle est pas énervée du tout. Elle est adorable. Yvick, Poulpe, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Yvick, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Bonsoir Paris. Yeah, yeah, yeah. Ah, c'est fou! T'as la tierce? Attendez, vous êtes Bruno Mars? Bruno Mars? Pas très loin. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? Je suis très heureux d'être là, merci à vous de m'accueillir. Ça fait plaisir, je me sens tellement VIP d'être là dans le Floodcast en live. Merci à toi. On ne pouvait pas l'imaginer sans toi. Ça fait plaisir. On l'a envisagé quand même, parce qu'on n'était pas sûr qu'il dise oui, mais. On pensait que t'en avais rien à foutre, donc en fait, on a envisagé 4 personnes avant. Mais on est trop content que tu sois là, gars. Franchement, c'est chouette. Trop bien. Nous sommes également avec Monsieur Poulpe. Bonsoir. Par contre, Yvick ne s'est pas présenté du tout, Ouais, j'ai essayé de gagner du rythme. Il a dit présente-toi, t'as dit non, non, non, mais tu t'es pas présenté, donc fais pas ta rosta. Présente-toi. Tu es personnage de gaming, je crois. Bah oui. Eh, il va bien Mario? Je déconne. Je déconne. All inclusive en VOD. Et pourquoi vous rigolez, c'est pas une vanne, hein? Vous l'avez même c'est vraiment pas vu. En VOD, hein. Vous avez vu les affiches ou pas? Elles sont bien, hein. Merci. Il est rappeur, il est comédien, il fait plein de choses. Ouais, les gens le savent. Bon, ne dis pas ta phrase pour les gens qui ne te connaissent pas, désolé les gens, pro, ils aiment quoi. Bien. Et donc, nous sommes avec Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Pour être honnête, j'ai 42 fièvres et je suis ravi d'être là quand même. Bravo. Je vais le faire debout. Je vais le faire debout pour avoir... parce que sinon, si je reste assis, je vais tomber dans les pommes. Donc, je vais rester debout. Comme ça, un max de dynamisme. C'est sûr que ce n'est pas l'inverse. C'est pas parlant pour un podcast de dire qu'on est debout. Ouais, mais ils n'avaient qu'à payer, les gens. Okay. Donc, c'est pas... À un moment, tout est gratos. Hein. On n'oublie pas. Les amis, on va parler... Alors, on ne vous a pas dit le thème. En fait, on va faire un thème. On ne va pas faire le truc des journaux parce que là, on est très, très pressé par le temps. On va faire un petit jeu pour savoir quand même qui commence à raconter des anecdotes. Le thème de la soirée, ce sont les premières fois artistiques. Au sens très large, parce que c'est un podcast, donc voilà, le conducteur fait 3 pages, on va pas non plus, voilà. Mais avant de commencer, on va faire donc un petit jeu pour savoir qui commence. On va jouer au jeu du Coluche Jingle. Jingle Coluche, Jingle Coluche, Jingle Coluche, Jingle Coluche ou quoi? Jingle Coluche, c'est le Jingle Coluche. Ah, Bah, c'était bien. C'est Florent qui a fait ce jingle. Pourquoi il y a... Oh, on soutient pas. Ah bah quoi, bah non. Oh bah d'accord. C'est dingue, tu t'es désolidarisé avant même la fin de ton jingle, t'avais honte. C'est moi qui ai parlé. Ah, c'est lui qui a dit. Non, que... mais dans les yeux. Ah oui, ah oui, d'accord. Dans les yeux de Flaubert, il y avait vraiment un voile de honte qui descendait au fur et à mesure de la chanson. Très lentement, ouais. Que ça leur rendait. C'était super. Le jeu du Coluche, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez le compte Twitter Coluche Phrase? Le oui. compte Twitter Coluche Phrase, en fait, est très connu. C'est quelqu'un qui dit, genre, je suis Coluche, mais qui met que des phrases où on, déjà, on sent que c'est pas vraiment Coluche. Ouais, moi je pense que c'est pas lui, mais. T'es sûr de toi? 90%. Par exemple, on a cette phrase. Les conversations du soir, elles n'ont pas la même valeur que les conversations du jour, comprendra qui pourra. Donc ça, c'est une Coluche phrase. C'est pas une phrase de Coluche. Un autre exemple peut-être. Être sincère et gentil, ça paye pas, tu te fais toujours niquer. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Un cadre tweet. Un anniversaire surprise. Ouais, là, il était un peu dépressif. Et un anniversaire surprise organisé par tes potes, ça doit être le feu. Mais ça, Coluche l'a dit, ça. Ça, il l'a dit. Hein. C'est dans un de ses spectacles. Donc, je vais vous dire des phrases à vous de deviner, Poulpe ou Yannick. Une imitation de Coluche, peut-être? Bien sûr. Eh ben, t'es un enfoiré ou quoi? Je fais mieux Chirac. Donc. D'accord. J'arrive pas à savoir si c'est ma fièvre ou la vie. Je crois que ce qui est bien, c'est que c'est la vie. D'accord. C'est ça qui fait okay. que c'est magnifique. Okay. Donc, ça va être chacun son tour. Si vous êtes à égalité, Adrien choisira pour qui il joue et devra répondre à l'ultime question. D'accord. Exemple. Pas exemple, d'ailleurs. Première question. Attends, j'arrête de parler, du coup. Les règles, c'est en gros, tu dis des phrases, on dit on c'est... doit dire Coluche quoi. Ou Coluche phrase. Ah, d'accord. Si, c'est une, okay, si vous dites okay. Coluche, si c'est une vraie phrase de Coluche, dites Coluche phrase, c'est une phrase de Coluche phrase. Il y a un système de buzzer, de quelque chose ou... Non, c'est chacun son tour. D'accord. Première phrase, Yvick. Pardon. Non, mec. Oh non. C'est ça que ça a fait avec Suricat? C'est ça, je revis. Oh. On mettra des bips, hein, on s'en fout, hein, on est entre nous. Donc, première phrase, Yvick. Si un mec voit passer sa chance et ne l'attrape pas, c'est vraiment un imbécile. Ah, c'est une Coluche phrase, ça. C'est une vraie phrase de Coluche, désolé, ben oui. Eh, comme quoi. Donc, il a dit imbécile, carrément, quoi. Ouais. Pas quelqu'un de pas sûr de lui, non, c'est un imbécile. Imbécile okay. heureux. Il n'y avait pas que du talent chez Coluche. Quoi. Non, non. Mais d'ailleurs, on va lui donner une bonne leçon ce soir à Coluche. Ouais. En termes de spectacle, déjà, il va pas s'en remettre. J'ai pas tourné la page, j'ai juste changé le livre, Poulpe, à ton avis. Bah, ça, c'est plus Coluche phrase. C'est vraiment Coluche phrase. Félicitations. Ouais. Un point pour Poulpe. Alors, tu joues pour Poulpe ou pour Yvick? Tu peux peut-être sauver l'honneur d'Yvick. Bah, plutôt pour Yvick, sinon c'est vraiment ouais, l'enfoncer alors qu'il est au sol, il est en train de perdre. Avec les erreurs, on apprend. Avec le temps, on comprend. Aïe, aïe, aïe, retiens pas tes larmes, alors, pleurer, ça fait du c'est bien. C'est déjà 8000 personnes qui ont dit ça, donc c'est assez difficile. Je vais dire que c'est Coluche. Ah non! C'est Coluche phrase! Ah mince! Ah non, mais c'est fou! C'est dur, hein? Donc, du coup, c'est. Ah merde, j'en ai mis une autre. Oh, vous savez. Allez. Donc, c'est Poulpe qui va commencer. Oh, t'es. C'est calibré, c'est calibré. C'est calibré! Ça, c'est un gag qui était prévu, par ouais! Exemple. Et vous avez ri, donc. Pour moi, c'est... à mes yeux, c'est un succès. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Poulpe, j'ai envie de commencer par toi. Donc, du coup, effectivement, c'est sur les débuts, les comment on a commencé. Est-ce que tu te oui. souviens du titre de la vidéo, de la première vidéo que tu as faite? Quel est le rapport avec Coluche? Non, tu commences, ça y est, on est sur les premières fois maintenant. Le jeu, c'était juste pour savoir qui commençait à raconter une anecdote. T'aimes pas ah, d'accord, j'ai cru que j'avais fait une sieste. Ce qui... a priori, possible, parce qu'il l'a dit. Ok. Et quel est le nom de ma première vidéo? Est-ce que tu t'en souviens? Moi, j'ai noté des trucs et je sais pas si c'est ouais, ça. Ouais, mais les gens se trompent souvent. Oh. Parce que toi, tu vas dire, c'est Monsieur Poulpe prend son bain. Non, ah, j'avais pas ça. Ah. Moi, j'avais Rambo, ah ouais, Suster. Mais non, mais ça, c'est quoi? C'est 2000. Moi, ah, t'as fait avant? Mais moi, j'ai commencé en 97, le net. Waouh. Donc, c'était pas Monsieur Poulpe prend son bain. Le titre, que Jérém Star a pris, d'ailleurs. Non, ouais. dis ça, sinon. Hein. Non, c'était... Merci, Davy, c'était Highlander. T'es où? Ils sont comme ça. De bons potes, je trouve. Et quand tu quand t'as fait ta première vidéo, est-ce que t'avais un vrai travail en face, comme on disait à l'époque en parlant d'Internet, un vrai travail? Tu veux que je dise la vérité, c'est ça? Ah bah non, ment aux gens. Ben non, mais à l'époque j'étais ado, mais après, ben oui, j'ai eu des vrais travaux, mais tu veux que je dise que j'étais. Mais fais ce que tu veux. C'est mieux en fait pour l'émission. D'accord. Après, je peux imiter Chirac. Hein, si... Ben j'étais dingo à Disney. Mais c'est pas une blague. C'est comme All Inclusive Divi, je vois pas ce qui est drôle, hein, c'est un vrai métier. C'est toujours pas drôle, hein. Non. Highlander, comment rebondir? Est-ce que ça t'a enrichi pour ton travail d'artiste? Est-ce que ça t'a appris des choses ou vraiment pas du tout? Tu t'intéresses vraiment ou c'est pas... Mais oui. Bon. Mais tu m'as questionné chacune de mes questions devant 1000 personnes. Est-ce la fièvre qui te fait parler? Okay, c'est maintenant, ça a commencé. Oui, hein. oui. Oui, oui, ça m'a vachement appris à gérer mon corps. En fait, j'ai appris un vrai travail de mime. C'est interdit de parler, je crois. Ouais. Putain, on m'en avait parlé du Floodcast. Bêtement, tu t'es dit, bah, là, c'est en public, ils vont faire un effort. Ouais, parce que quand on parle de première fois artistique, moi, c'est mon premier Floodcast. Ah, c'est vrai. Quand même. La boucle est bouclée. Et là, je me retrouve avec... donc, ça t'a enrichi, ce travail. Ouais. Non, mais sinon, après, je peux me mettre là, puis tu me chies dessus directement. Hein. On peut faire ça, hein. C'est visuel, c'est pas mal. T'as commencé à quel âge, juste pour savoir? De quoi? Les vidéos sur Internet. Les vidéos, j'ai commencé à 8 ans. J'ai fait mon premier court-métrage à 8 ans avec le caméscope de mon père au Gabon. Oh, bah t'as calmé tout le monde. Okay. Je vois que là, c'est un vrai public de blanc ce soir. Moi, j'ai grandi au Gabon. C'est un podcast. Voilà. Moi, j'ai grandi au Gabon et j'ai commencé à faire mes vidéos là-bas. Voilà. Est-ce que ça m'a enrichi, Adrien? Je sais pas. Oui, un peu quand même. Ouais. Ça t'a appris la chaleur que t'as retrouvée après dans le costume de dingo, d'ailleurs, parce qu'il fait chaud. Ouais. Et ça apprend un peu l'abnégation et le fait de se sacrifier pour son art. Oh, bah, t'as bien fait fermer ta gueule. C'est exactement ça. À 8 ans? Non. Merci aux 4 personnes qui ont applaudi. Yvick, toi, t'as commencé à quel âge les vidéos? J'ai commencé à 15 ans, mais après, comme Poulpe, je filmais avec le caméscope de mon père à 9-10 ans. Et le premier upload YouTube, j'ai envie de te dire. Upload, alors en termes de vidéos, genre création artistique comédie, ou alors juste des vidéos de merde comme ça? J'ai envie d'avoir la vidéo de merde, du coup. Non, c'était moi qui jouais au basket. Bon, c'était quand même des vidéos de merde, mais bon, en soi... Avant que tu sois modélisé. Ah oui. Ah bon, je suis... Ah oui, je suis... Ouais. Oh. Mais comment il va, Zelda? J'en ai encore quatre. Zelda, le chevalier, bien sûr. Le cheval... Mais non, c'est la princesse, en fait. Arrête. Je suis un geek. Et donc, c'était vidéo de basket-là. Et à 15 ans, j'ai posté ma première vidéo sur Dailymotion. Est-ce que c'était la vidéo sur la Wii? Moi, j'ai noté la Wii. Oula, non, waouh. Ah ouais, sur Wikipédia, il y a écrit la Wii. Non, mais pas... En termes de boulot en amont, on a bien bossé, quoi. Ouais. C'était une vidéo... la Wii, c'était genre ma 15e vidéo. Donc t'es vraiment plutôt pas à la page. Mais, Et c'était quoi la première, du coup? C'était une vidéo qui était un sketch voilà, assez profond sur MSN. Waouh. Une petite blague comme ça que t'avais mis à l'époque? Ah non, c'était juste une, un tuto. Je parle avec une fille sur MSN, elle veut mettre la webcam et je suis pas habillé, je me mets en costard. Fin de blague. Bah, excellent. C'est pas mal, c'est du visuel, c'est bien. Hein. C'est bien pour commencer. Hein. Ça a fait 2 millions de vues. Et celle-là, tu l'as virée d'internet parce que je l'ai pas trouvée. Adrien me dit non, elle a pas fait 2 millions, non. J'ai vérifié. À l'époque, elle avait fait un bon 200 vues, ce qui était à l'époque. Oui, c'est 2 millions pour YouTube, quoi. Voilà, à l'époque sur Dailymotion. Pardon, voilà. Tu me disais? Non, je voulais savoir si elle était encore en ligne. Bien sûr que non. Mais voilà. Voilà. Je vais faire un bond dans le temps, Poulpe. J'aimerais savoir ta première. Donc, tu fais des vidéos sur internet. Ta première relation avec la notoriété. Parce que toi, ça s'est fait un peu en deux temps. On va pas se mentir, tu avais d'abord le public un peu geek. Tu juges tout ce que je dis, et c'est terrible. Non, mais on va pas se mentir, on va pas, non, se, mentir. Pas se mentir. Non. Ok, alors, oui, ça a commencé, moi, la notoriété, oui, si, c'était ça, sur No Life, et sur mes vidéos sur Dailymotion à l'époque, Et très vite, en fait, nos lives, alors c'était bizarre parce qu'on avait des chiffres, mais c'était pas représentatif de ce qui se passait dans la vraie vie. C'est qu'on était vachement reconnus dans la rue. C'était hyper étrange. Et du coup, j'ai appris très vite ce que ça voulait dire des gens qui s'arrêtent et qui tremblent des mains en voulant faire une photo et que t'attends une heure que la photo, ce genre de choses. Et donc j'ai appris à gérer ce truc-là assez rapidement. Et du coup, je m'en foutais assez vite. J'ai pas du tout sacralisé ce truc de notoriété. Et après, quand j'ai accédé à un truc un peu plus vénère de télé et tout et de cinéma, du coup, comme j'avais déjà ces bases-là avant, j'ai pas du tout, j'ai pas monté dans les tours et je me le racontais pas. T'as quoi. Gardé la tête froide. Exactement. Contrairement à quand t'étais dans le costume de Dingo où c'était la tête très chaude justement. Voilà. Non mais. Et ce n'est que le début. C'est de l'impro, hein. C'est ouais. Tout, rien de scripté. C'est du live. Et toi, Yvick, ton premier rapport à la notoriété, ou en tout cas celui qui t'a le plus marqué? Vite, allez, bah, maintenant. Je te lance une. Hey, ça va toi? Là, comme ça, non, tu me prends de court. Non, parce que je t'ai briefé au téléphone. C'est vrai. Donc, pas tant de court que ça. Il y a deux bonjours. Moi, j'y ai cru. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est toujours ouais, spécial, surtout quand tu viens d'un patelin de 1300 habitants et que tu arrives dans une autre ville comme Paris et que des gens que tu connais pas te reconnaissent. Au début, mes parents se disaient, mais pourquoi il te parle, lui, c'est qui ce gars, quoi? Qu'est-ce qu'il te veut? Tu seras très jeune, non, en plus, toi. Mais ce qui est marrant, c'est que ma grand-mère n'a toujours pas compris aujourd'hui, en fait. Ma grand-mère n'a encore pas compris, donc ça lui arrive qu'elle se dise, mais tu le connais, lui? Alors qu'il y a vraiment 15 mecs qui viennent d'arriver pour faire une photo. Et qu'on ne s'est pas dit beaucoup de mots à part « salut, ça va ?» quoi. Donc ça, c'est assez marrant encore aujourd'hui. Mais sinon, c'est vrai que l'arrivée à Paris, je pense que c'est là où ça a été vraiment pour moi, où j'ai remarqué que ma vie avait un peu changé. Quoi. T'as un truc en particulier? Un truc qui t'est arrivé Non. Oui, c'est la première fois que j'ai passé une nuit en cellule de dégrisement. C'est pas une blague, c'est la seule fois je sortais de ce mois-ci. C'était quand je suis arrivé à Paris, c'est 4-5 ans, je sortais donc de soirée et j'ai eu l'idée de rentrer en scooter, sur un scooter, un Zip 50. Donc c'est vraiment les scooters minuscules, c'est une mini-moto de ville, quoi. C'est vraiment tout petit. Quoi. Et j'ai eu la bonne idée aussi de ramener un pote à moi qui fait 2 mètres. Alors on dirait pas comme ça, je fais 2 mètres aussi. Donc imaginez deux mecs de 2 mètres sur un scooter 50, c'est vraiment voilà, pas facile. Et je prends un virage très très mal, évidemment je suis éméché, la police m'arrête. Évidemment. La police m'arrête, ils m'emmènent au poste, donc là je suis au bout de ma vie, pendant ce temps... Parce que t'es jeune à ce moment-là en plus. Ouais, j'avais 19 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, un exemple pour les jeunes. Ouais. Et du coup j'arrive donc au poste, je commence à... Donc je suis tout seul en cellule, évidemment là je suis au bout de ma vie, je me dis que bah, je suis un peu Tony Montana, ouais, c'est clair. Et donc à ce moment-là, donc, j'entends les policiers dans le coin qui ricanent un peu comme ça, donc je me doute absolument pas de la suite. Évidemment, ils regardaient ma vidéo qui s'appelait « La police ». Ah. Et j'entends « il est con ». Et toutes les 5 minutes, il repassait, mais vraiment pas en rigolant du tout, en fait. Il changeait de... Ah, t'es content de toi? Alcoolo, bah, tu me dégoûtes, toi. Fils de pute. Bah. Bon, c'était pas totalement ça, mais limite ça. Ouais. Donc c'était marrant, ce double jeu avec moi. Et donc c'est là que voilà, j'ai eu, la première anecdote un peu farfelue, mais surtout ce qui était drôle, c'est le lendemain, quand ils ont fait la photo pour me ficher. Je trouvais ça incroyable de faire une photo alors que pour moi, c'était pas quand tu avais bu 3 bières que voilà, ouais. On te fichait. Oui, et donc je fais des photos comme dans les films, comme ça, posé, tag, sur le côté. Donc là, la street cred, elle en prend un coup énorme. L'album arrive. Et, il arrive lourd, je crois. Avec cette histoire-là, waouh. Et donc je suis comme ça. Et en même temps que le mec me prend en photo, il me dit, et t'as commencé comment, toi, les vidéos? C'était tes inspirations, Charlie Chaplin ou non? Et là, je suis vraiment en train de répondre au gars comme ça. Oui, oui. Et je suis reparti avec mon scooter. Ah. Voilà. Comme quoi, soyez connus si vous buvez. Non, mais c'est vrai, c'est le... Alors moi, non, ça m'est arrivé. Je me suis fait contrôler et tout, et les gendarmes m'ont reconnu, ont dit « Ah, c'est hyper bien ce que tu fais et tout. » Voilà, ça fera 300 balles. Là. Ah oui, ouais. Bah ouais, mais... bah oui, c'est la vie. Toi, tu parlais d'un gain de notoriété quand t'es allé en télé. Ouais, mais alors, pas... Oui, ouais. Oui, mais justement, est-ce que tu peux parler de ce truc de... Parce que c'était un peu en plus le fantasme des gens. Ah, les gens du web qui vont en télé, oh là là, ils vont se vendre. Et donc, du coup, toi, t'es allé au Grand Journal direct ou t'as fait un truc avant, je me souviens plus. Je suis passé par le dézapping du Before. Ah oui, c'est ça. Que j'ai fait 6 mois. Et au bout de 6 mois, je suis arrivé au Grand Journal, ouais. Et comment ça s'est passé, toi, ton premier jour à Canal, ben, en mode... En fait, en termes de notoriété, ce qui était hyper étrange, c'est que je suis passé d'un public de 15 à 30 ans à, le lendemain du Grand Journal, que des gens avec des cheveux blancs qui me disaient « Ah, c'est vraiment bien, hein, ce que vous dites !» J'étais très perturbé. C'était très bizarre. Aucun t-shirt Rick and Morty sur les vieux. Non, non, pas du tout. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, non, c'est chelou. Ben, c'est là où tu te rends compte que... les sphères de médias où tu vas, bah en fait, t'as vraiment un public défini à chaque fois, quoi. Et du coup, la télé, bah, c'est des gens un peu plus sachés. Mais ça s'est bien passé quand même, le truc. Ouais, carrément. Après, je vivais. Enfin, c'était bizarre pour moi de quand j'ai commencé. J'ai pas fait tout de suite la météo du Grand Journal. Au début, je faisais une parodie de JT, et donc je faisais des vannes politiques. Qui est ton grand truc, voilà, en plus. Qui est vraiment, moi, c'est vraiment un truc. Et donc, tu peux en mettre une petite au macaron, là, devant nous, là. Allez, vas-y. Ben, en fait, je comprends... Héros au Balkany, hein. Ben, c'était le niveau de vanne politique que je savais faire. Parce que c'est juste dire des mots, quoi, de politicien. Non, mais du coup, je comprenais pas vraiment les blagues que je disais et tout, et je le vivais pas très, très bien. Et je me rappelle, j'en avais parlé à Antoine de Caunes. Je lui ai dit, merde, je vis pas très bien ce que je suis en train de faire, quoi. Et Antoine m'avait dit, tu sais, c'est important d'essayer plein de choses différentes, comme ça, après, tu sais ce qu'il faut faire dans ta vie. Ça t'a enrichi, du coup. Ouais, ça m'a enrichi. Ah, là, vraiment. Je pense. C'est pour ça que j'ai fait ce que vous savez. C'est pour m'enrichir, clairement. Arrêtez, c'est pas marrant, en fait. Je sais qu'il y a ton agent dans la salle qui fait, ah, beaucoup de blagues, quand même. Beaucoup. Beaucoup de montage. Beaucoup de montage. Beaucoup de montage. Tu peux biper toute la première partie, s'il te plaît. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est trop bien que vous passiez tous les deux en premier. C'est parce que, en fait, vous avez, justement, ce côté un peu touche-à-tout, vous l'avez tous les deux, puisque vous avez fait tous les deux donc cinéma, on l'a dit, télé, web et même musique. Toi, Poulpe, c'est lequel qui t'a le plus marqué de tous les trucs que t'as lancés ? Parce que même, je me souviens, sur ton blog, j'arrive pas à le conjuguer. Tu t'enorgueillissais ? Exactement. Je le connais par cœur. J'aimerais savoir. Non, mais justement, un touche-à-tout. Mais en fait, c'est quoi le truc que tu kiffais le plus ? Bah, je sais pas. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question de quel média, quel. En fait, moi, c'est juste, je réfléchis en quand j'ai une idée, je me dis, ok, ça, il faut que ça soit une BD, ça, il faut que ça soit une musique, ça, il faut que ça soit un film, machin. Et donc, et après, j'y arrive ou pas, mais en tout cas, je sais très vite dans quel média je dois le faire. Et après, la musique. Moi, en première fois, ma première scène avec mon groupe, j'étais en train de pisser. Coldplay, rappelons-le. Coldplay. Je faisais pipi dans les loges. Et vraiment, quelqu'un a ouvert la porte et m'a pris physiquement en disant « Faut maintenant, faut aller sur scène maintenant !» Et j'avais vraiment mon zizi dans ma main, avec vraiment un jet de pisse qui a fait quelques mètres. Paris Tour. En fait, c'était bizarre parce que les chiottes étaient vraiment au pied de la loge. Oh. Il y avait vraiment un escalier, c'était la scène. Et du coup, j'arrivais pas à rentrer ma queue en allant sur scène. Prétentieux. C'est un personnage. C'est coquin malin. C'est coquin malin. Et là, c'est coquin malin. Et donc, ouais, mon premier concert. Jean-Luc Reichmann aussi. J'ai eu le temps de. La question co. La question qui. La question qui. Oh, bah les zizi potes. Ils sont où les zizi potes? Excuse-moi, je t'ai coupé pour une blague beaucoup trop bien. Vas-y. Je t'écoute, moi, je suis là. Donc, Luc, la queue dans la main. Eh ben, j'ai rentré mon zizi, quoi. Voilà. Bravo. Mais c'était... Alors attends, parce que j'ai une enchaînade de premières fois. Je t'en prie. Parce qu'en fait, ça, c'est les premières fois, souvent, c'est lié au track. Donc là, typiquement, je devais faire pipi avant de monter sur scène. Et avant ça, mon premier job, mon premier truc payé, ça a été comédien, j'avais 15 ans. Et je faisais du théâtre, c'était au Festival d'Avignon. Et de stress, donc imaginez, là, c'est une scène de théâtre avec un public et tout. De stress, juste en dessous, là, sous le bois, j'ai chié. Alors, pas dans cette salle. Non, pas cette salle. À Avignon. Mais de trac, je Avignon, cherchais les chiottes, j'en pouvais plus. Et j'ai chié sous la scène. Donc là où il n'y avait pas de chiottes. Non, il y en avait, mais je ne les trouvais pas. Et je faisais un truc. Tu fais comme tout le monde, tu chies sous une scène. Quand c'est bizarre. Pas les chiottes. D'un moment, indiquer l'endroit où il y a les chiottes, quoi. Sinon, les gens chient. Et alors, j'enchaîne dans ma cavalcade de première fois d'anecdotes, parce que j'ai raconté le pipi, le caca, mais il y a aussi le vomi. Bah oui. Et le vomi, attention. Quel dommage, j'attendais le sperme. Ben non. Le vomi, figurez-vous que quelqu'un ici présent a vomi de stress. Putain, je voulais en parler. C'est fou. C'est fou, je voulais en parler, dis-toi. Allez. Ma première fois sur scène, c'est avec Poulpe et j'ai dégueulé. Ah ouais. C'était toi. C'était moi. Je pensais que c'était Davy. Mais non, non, c'était toi. C'était moi, c'était pour le Golden Show. Des Golden Show, t'as vomi de stress. J'ai vomi. Désolé. Il faut expliquer pourquoi. C'est le truc où tu te branlais, là. Alors, non. Pardon. Si seulement. Comme ça que je l'ai découvert. C'est pas coquin, pareil, de Jean-Luc Reichmann. Oh alors. En gros, l'idée, c'est qu'ils avaient écrit avec Davy un sketch où ils étaient sur scène, et c'était Yo, je crois, qui était, en gros, qui jouait genre un mec qui s'était fait... Il y avait un mort, quoi. Ouais, et moi, je jouais un policier, sauf que ce truc très stressant, je devais arriver du fond de la salle pendant qu'il parlait d'autres choses. Ce qui est très stressant, parce que du coup, c'est pas du tout l'attention sur toi, moi, je suis pas très bon acteur, et du coup, j'arrive vers le fond et je fais « Attendez, attendez !» Donc, je dois arriver. Entre parenthèses aussi, il y avait Alexandre Astier dans la salle. Ok. Qui, pour les blancs, est l'équivalent de Tupac. donc j'étais comme un ouf. Moi, j'étais trop content, quoi. Sauf. On est ensemble, Livy, qui a aussi mon agent dans la salle. Et donc, j'arrive sur scène, et ce qu'avait concocté des vieilles poulpes, c'est que je devais voir si le gars était bien mort en le suçant. Ah bah c'est ça, oui c'est ouais. Ça. Tu suçais, pardon. Si seulement c'était le branlé. Je devais faire semblant de le sucer pendant une minute. C'était hyper bien écrit. J'étais dans le public. J'étais dans le public. Faire genre, il jute dans ma gorge, avaler et faire c'est bon et partir. Donc effectivement, j'étais un peu angoissé, mais c'est du bon stress quelque part. Oui. Tu sais, c'est oui. Du bon stress. Mais j'étais en cul de pas hein, de savoir que t'avais vomi de stress, c'est terrible quoi. C'était assez fat. Mais c'était une belle première fois. Toi, Yvick, est-ce que alors pas forcément. Je suis encore surtout pas, excuse-moi. est-ce que toi, t'as une première fois un truc qui t'a angoissé parce que toi même, ça y est, tu commences à faire des scènes où tu défends certaines chansons. Non. Pas encore. Non, mais si avec ton pote, t'en as fait des trucs. Non. Bon. Non, ok, j'arrête de se faire chier. arrête en fait, arrête. S'il sort de ses gonds, je ne l'arrête plus, moi, attention. Ouais. Hein. Non, oui, mais. Voilà. Attends, je vais essayer de t'aider. Si ce gars-là, il te dit un truc, tu dis oui, d'accord ? Ok ? Pour l'instant, ça a été plus des apparitions lors de concerts d'autres gens. Comment je gère ça ? Bah, je me chie vraiment pour le coup dessus. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment très très peur. Moi, je suis vraiment un mec très stressé. C'est-à-dire que pour venir ici, venir là, j'ai pissé trois fois avant. Ouais. Dans les toilettes ou sous la scène ou... Ah non, moi je suis assez classique là-dessus. D'accord. J'aime bien presque toilettes. Banal. D'ailleurs. Ouais. Ouais. Décevant, je dirais. Moi, j'ai beaucoup de stress aussi, mais ça me motive également. Oui, c'est ça. Mais est-ce que même, sans parler de la scène, de te dire, ok, vas-y, je passe à la musique. Parce que évidemment, c'est très long en plus. Enfin, genre, non, pas du jour au lendemain, allez, je me lance quoi. Bah, ça s'est fait par étapes surtout parce qu'au début c'était juste des musiques que je faisais pour mes vidéos humoristiques, donc il y avait toujours ce côté comique qui était présent. Et puis après, à force de faire ça, il y avait toujours une envie, moi de mon côté, d'être beaucoup plus sincère dans ma démarche parce que j'aime vraiment ça, j'aime vraiment faire de la musique. Et en fait, petit à petit, bah, on enlève un peu de l'humour dans ces musiques-là qui sont vraiment faites pour parodier ou quoi. Et à force, on commence à être un peu plus sérieux. Et voilà, il y a le premier album qui est sorti il y a 2 ans, qui m'a pris 2 ans vraiment avant que ça mûrisse dans ma tête et de me dire, bon, comment je me positionne, tout ça. Et donc, le deuxième qui arrive début d'année 2020. Et pareil, là maintenant, on évolue aussi plus sérieusement, mais toujours en gardant, voilà, la même personne que je suis, mais c'est vrai qu'il faut y aller chaque jour en son temps. Je voulais pas rater des étapes, tu vois. On a parlé de plein de milieux. Il y a aussi le cinéma. Toi, Poul, parce que quand tu as commencé dans le cinéma, parce que j'ai l'impression, mais alors peut-être pas toi, c'est un peu le rêve de plein de gens qui jouent sur Internet, de dire putain, un jour je ferai un film, un jour je jouerai dans un film. Est-ce que toi, il y a eu ce stress? Est-ce que tu as eu des castings foirés ou des trucs comme ça? Ouais, en fait, c'est nul comme phrase, mais moi, c'est pas du tout le cinéma qui me faisait rêver enfant, c'était vraiment la télé. Moi, j'ai vraiment grandi avec Les Inconnus, Les Nuls, De Cône et tout. Donc moi, mon rêve, c'était de faire de la télé. Et j'ai pas du tout cette frustration de « Ah, je voudrais faire du cinéma, machin ». Et après, les castings, moi, j'ai un super pouvoir. J'ai raté les castings de ma vie. Tous les castings, je les ai tous ratés. Et c'est une force. Toi aussi? Ouais. On partage ce pouvoir. Ouais. C'est cool, hein? C'est bien. Ouais. Bizarrement, on s'en lasse très vite. Et on peut... assez peu combattre le crime avec ce pouvoir. Ouais. Juste son amour propre qu'on détruit. Oui, voilà, c'est ça. Et étrangement, on fait de moins en moins de casting et on fait plus des trucs par soi-même et qu'après, les réals te contactent en te disant « Tiens, j'ai un rôle pour toi !» Et là, comme ça, tu fais pas de casting. Non, ça, pas forcément, mais cool pour toi. Ouais. Ah, d'accord. Après, chacun son truc. Ouais, chacun sa vitesse, j'ai envie de dire. Ouais. On a le même âge. Alors... Mais moi, mon premier jour de mon premier gros rôle au cinéma, j'étais en slip à Budapest. J'étais en slip de bain. Tu peux dire le titre du film ? C'était Taxi 5. Ah, mais non ! Non, mais j'étais en slip de bain à Budapest. Tu croyais que c'était Budapest, c'est ça ? Je pense. Je pense. Et du coup, de stress, je me suis fait un torticolis le premier jour. Ah. Ouais. Aïe. Parce que je me suis rendu compte de plein de trucs qu'on faisait pas dans nos petits tournages d'internet, où c'est beaucoup plus technique. Être sur payé, ce genre de choses. Hein. Par exemple. Alors. Non, bah voilà. Non, c'était pour ça les 20 balles. Ça, les gens ils l'auront pas. Y a pas de bip sur scène. Donc voilà, bref, je me suis fait un torticolis de stress de me rendre compte de l'immensité du travail que ça représente de faire un gros rôle dans un film. J'ai bien répondu à ta question. Quand je fais un break, quelqu'un a un doliprane dans la salle. Mais pour de vrai, je me fais une montée de fièvre, vas-y. Juste devant. Wow. Ah, tu vois, c'est toi qui nous a enrichi avec ta réponse, cette fois-ci. Je meuble encore un petit peu parce que là, tu vas. Torticolis de stress. Dire dans l'objet. Sur ça. De quoi? Un torticolis. Bravo! Elle a dit, tu me les rends. Bah, on peut pas. Elle m'a dit, t'en reprends dans 4 heures. Visiblement, ce podcast va durer très longtemps. Ouais. Toi, Evic, le cinéma, c'est un truc que t'as envie de continuer de faire? Ou est-ce que c'est un truc... Complètement. Ouais. Place publique avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. T'es super bien dedans. T'es super bien. T'arrêtes de dire ça à chaque fois. Mais non, mais c'est vrai. Dans Place publique, t'es chamé. Mais t'es chamé. Non, t'es et super en plus, dans le jeu vidéo de la NBA. Le jeu vidéo de la NBA. Ouais. Le mec est calé sur le sport. Attention. Comment ils vont, Tetris? Non, et pour l'anecdote, moi aussi, j'ai ce pouvoir-là de rater mes castings souvent. Et c'est le seul casting que j'ai réussi. C'était Bacri Jaoui. Ouais, tu l'as pas, du coup. C'est raté. Si t'as réussi un casting, tu ne fais pas partie de la guilde. C'était le seul, et c'était avec Bacri, en plus. Ouais. 9h du matin. Très stylé. T'as joué directement face à Jean-Pierre Bacri. Ouais, direct casting. Donc c'était vraiment... pression max, quoi. Mais c'est comme ça, comme je t'ai dit, quand je suis face à vraiment un cador. Exactement. Un peu comme sur cette scène, tu veux dire. Exactement. Et ben la pression, elle me fait un peu, comment dire, me démener et faire en sorte que... T'augmentes ton niveau de jeu, quoi. Exactement. Comme au foot. C'est une rêve de sport que je faisais. Toi, Adrien, je crois que t'as fait aussi, tu parlais des castings que t'as foirés. Ouais, oui, bah est-ce que tu peux nous parler d'un casting au hasard? Il y en a tellement. T'es en mode gourde, j'ai l'impression. Je suis en mode gourde, ouais, je n'ai pas touché à cette bouteille en plastique. Voilà. Arrêtez. Je suis venu en Uber. Alors. j'ai passé un casting pour une série que je ne citerai pas. Bah là, pour le coup, je ne la citerai pas vraiment. Ouais. Mais Groom au hasard, comme ça. Non, c'est pas. Non, bah, Groom, il n'y avait pas de casting. C'est pour Planqueur, ça. C'est Planqueur. Non. On peut. Peut-être d'autres gens veulent citer encore. On a du temps à meubler. Pac-Man. Comment ? Non. Pac-Man ou Batman, t'as dit ? Pac-Man. Pac-Man, ouais. Ben ça, c'est un pote d'Ivic, ça. Non, et donc j'arrive. C'est rien, une rêve de vidéo. Les jeux vidéo, c'est par rapport au fait que c'est dans un jeu. Petit doliprane pour Yves aussi. Une petite bouteille d'eau. Elle n'était pas facile à comprendre quand même. C'est vrai que c'est de l'orfèvrerie ici, depuis le début. Ça va très très vite. Pardon, ça va très vite. Non, je disais ça va très très vite, les vannes. Faut que j'enchaîne donc. Alors, donc j'arrive au casting. Donc déjà, ambiance assez froide de toute l'équipe. Et donc en fait, déjà, elle ouvre la porte, me voit et referme la porte sans dire bonjour. Ce qui est toujours bon signe quand on arrive dans un lieu. Et aussi, accessoirement, j'avais vu la veille que le personnage pour lequel j'auditionnais avait à peu près 15 ans de moins que moi dans la vraie vie. Donc je me dis déjà, ça part très bien. Et on trace la moustache. Oui, voilà. Sur Golden Moustache, c'était tout le temps pour faire jouer un jeune, on disait bon, on va raser Flo. Enfin, ouais. On prend Flaubert, on lui enlève sa barbe et puis ça marche. Il a 14 ans. Ouais, ça marche très bien. Voilà. Et donc j'arrive et première question qu'elle me pose, le casting n'a même pas commencé, elle me dit t'as regardé la série un peu et tout. Et moi, j'avais pas eu beaucoup de temps pour me préparer et tout, donc je dis non, désolé et tout. Et là, elle fait pfff. T'arrives à un casting, t'as même pas regardé la série, c'est n'importe quoi. T'es allé voir le générique au moins, il est sur internet. Donc je dis non, désolé. Mais pourquoi? Ah, mais quoi? Mais en plus, le générique il est super, ça t'aurait donné une idée de la série et tout. Donc faut savoir que j'ai bientôt 40 ans, j'étais pas hyper chaud pour me faire gronder comme un enfant. Non, mais surtout, avant le casting, avant tout quoi. Et regarder le générique va t'aider à te mettre dans le rôle. Oui, voilà, à fond quoi. La belle police. Il est super le générique et tout. Je dis ouais, bon bah voilà quoi. Et donc je dis ouais je sais, désolé. Donc je me dis qu'après ça va passer à autre chose. Non, elle en remet une couche et tout. Donc j'attends que ça se passe. Il faut savoir que c'est le mois de juillet, donc il fait 37 degrés à peu près. Et donc elle fait bon, on va commencer. Elle s'assoit derrière son caméscope. Et je dis pardon, je pourrais avoir un verre d'eau? Parce que bah 37 degrés quoi. Et elle fait et elle se lève pour aller chercher un verre d'eau. Donc je fais bon, ça commence extrêmement bien. Pour la petite histoire, c'était un ballon de baudruche aussi cette dame. C'était voilà, des rustines en permanence. Non mais c'est vrai. Oui. Donc ça commence, elle se met derrière son caméscope. Et généralement les castings, j'en ai pas passé énormément, mais les castings que j'ai passés, généralement on colle au texte, le texte qu'on reçoit à l'avance, et après on refait une prise où on improvise. Donc le casting commence et elle faisait... Ça, le gars donne l'expérience d'un gars qui a jamais réussi de casting, attention. Voilà. Ça, c'est des conseils... Celui-là, je l'ai très très bien pas réussi, celui-là. C'est celui que j'ai le mieux pas réussi. Et elle me donnait une réplique et après son assistant qui faisait tout le reste. Et donc, on commence, elle dit sa réplique, je réponds ce que je suis censé répondre, et elle enchaîne sur autre chose que j'attendais pas du tout. Et donc je me dis, merde, ils m'ont peut-être pas envoyé la bonne version du texte. Donc j'improvise un truc, machin, et elle continue à dire des trucs, et au bout d'un moment, je m'arrête et je dis, je suis désolé, je crois que vous ne m'avez pas envoyé la bonne version du texte, parce que... Et elle fait... Elle éteint son caméscope, et donc son assistant dit, non, mais c'est de l'impro. Et je dis, ah ok, pas de problème, je peux improviser. Elle fait, non, mais c'est bon, on va faire le texte, parce que là, ça va. Hein. Donc je fais, non, mais il n'y a pas de problème. Elle fait, non, c'est bon, on va faire le texte. Donc là, moi, je pouvais déjà rentrer chez moi à ce moment-là, c'était du pareil au même. C'est rare qu'après, ils font, putain, chambé. Eh ben, dis-toi que elle a, je l'ai, j'ai pas eu le casting du tout, mais voilà. Après, je vais pas me vanter, mais elle a dit un truc qui était vraiment un compliment assez nul du genre, tu t'es bien rattrapé, tu vois, un truc genre, t'étais vraiment une merde en mettant un pied dans cette là, tu es toujours une merde, mais tu n'as pas le rôle, mais tu peux rentrer chez toi la tête haute, quoi. Voilà. Donc c'était assez, mais en même temps, je me suis dit. C'est un peu comme passer son permis de conduire à Paris, c'est-à-dire que quand t'as fait ça, après, tu peux faire d'autres castings et les rater aussi, apparemment, mais... Non, mais t'es blindé, au moins, quoi, tu vois. Les amis, pour conclure cette première partie, déjà... Waouh. Non, mais... Les jours, pardon. Bah, comme des voitures. Exactement. Donc, j'aimerais conclure dans un aspect peut-être un peu TED Talk. Si vous aviez... ce que Michel Sardou pensait de cette blague. Ah. Je vais. Allez. Merci. Ah, il est dur mais juste. Hein. C'est quoi le mot qu'il dit? Oui, j'ai pas compris. Je l'ai. Je l'ai. Il parle de l'époque actuelle. Ouais. Mais ça s'adapte à pas mal de blagues. Ouais. Ouais. C'est sans retouche, no filter. Il y a Pauline qui donne des strip-seals de temps en temps. Je l'ai. Voilà, tu vois. Ah, pas cool. Michel est très... Donc j'aimerais terminer sur si vous aviez un conseil, c'est toujours la question un peu que tout le monde pose, mais vu qu'ici, on est vrai avec les gens, j'ai l'impression. un conseil sur des gens qui veulent démarrer par rapport à se lancer dans créer des trucs, écrire des trucs. Parce que moi, je reçois des fois des messages et c'est vrai que je ne sais jamais trop quoi demander, donc je vais demander à d'autres gens. J'y vais ? Tu fais caca ? J'y vais ? Tu veux y aller ? Je réfléchis en même temps. Ah, d'accord. Moi, je pense que les premières fois, en tout cas pour ma part, je suis jamais satisfait de toutes mes premières fois artistiques parce que tu mets tellement de trucs dans ta tête, tu dis ouais, ça va être comme ça, ça n'est jamais ce qui se passe. Ouais. Et en fait, je vais faire un parallèle avec une première baise. Bien sûr. Souvent, on la voyait pas venir. Souvent, c'est la seconde qui est mieux. Et en fait, il faut se dire ça aussi au niveau artistique, c'est que en fait, il y a une vraie expression qui est de essuyer les plâtres. Bah, c'est vrai en fait systématiquement. Qui marche aussi dans le sexe d'ailleurs. Oui. C'est une blague sur le sperme. Faut boire de l'eau. Hein. Ouais. Faut boire de l'eau. Et je pense que c'est vraiment, il faut pas sacraliser la première fois. Il faut vraiment penser sur la longueur et se dire que une carrière artistique c'est un marathon. Et donc c'est pas grave la première fois si c'est pas ouf parce que tu feras toujours mieux après. Exactement. Waouh. Bravo. Et du coup, on s'enrichit, je pense. Ce que tu voulais dire, c'est qu'on s'enrichit des fois d'avant, quoi. À chaque fois, un peu. Ouais, on peut le dire. C'est un peu. Non, mais on peut le dire. Enfin, je sais pas, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais. Oh, bah, lave-toi les mains si tu fais ça. Bah oui. Alors. Parce que. Il est déjà malade, alors. Ouais, bah, imagine. Yvick. Faut meubler encore ou non ? C'est dur de rajouter quelque chose après ce. Bah, de telles paroles. Surtout quand on n'a rien préparé. J'ai l'impression d'être super con, moi, à côté de ça, tu vois. Mais non, j'ai l'impression que je vais dire, ah, bah, faut baiser les rageux, faut. Poulpe me suggère de péter dans le micro, peut-être. Ouais. Allez, le Bataclan. J'attendais que ça. Je m'excuse encore auprès de l'agent de Mister V. C'est une fin de carrière ce soir pour Yvick, mais on l'aura aimé. Attention. Non, j'aimerais un silence religieux. Attention, Yvick. Non, mais c'est un professionnel, c'est quand tu veux. Après, j'aimerais qu'on m'acclame de ouf, hein. Ah bah ouais. Ouais, laissez pas un silence, soyez pas bâtard. Eh ben écoutez les amis, quelle meilleure façon de vous dire au revoir. Je sais pas qui aura ce micro, mais bah je suis au paradis personnellement, moi. Voilà. C'est pas la fièvre, hein, ça vient vraiment de se passer. Ah, c'était c'est la réalité. C'était la vraie vie. C'est real life. C'est du live. Je l'ai filmé parce que vous avez pas vu sa tête. J'étais dos à vous. Pour j'ai des larmes de joie là. La tête du bonheur sur le visage d'Ivy qui est incroyable. Mais je rentre dans l'histoire, putain. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci Yvick, merci Poulpe. Merci beaucoup. Ouais. Merci. On essaye d'être Jimmy Fallon, mais pas vraiment. On va enchaîner tout doucement, faut que t'ailles chercher le petit pupitre. Donc on a, vu que c'est la soirée des premières fois, on a une jeune artiste qui aimerait faire une chanson pour la première fois, donc on lui a dit mais évidemment aucun souci, c'est un peu une surprise, je sais pas vraiment si vous attendez, il s'agit d'Éléonore Coste. Oh mon dieu, j'ai été surpris. Éléonore qui se branche. Voilà, donc là, faut meubler. Comment ? Ça va, Éléonore ? Cool. Ouais ? Sans rancune, hein, pour tout à l'heure, c'était un quiproquo, quoi. Bonsoir. Ok. De façon plus sympatoche, je voudrais remercier Flaubert qui m'offre l'occasion de faire un de mes morceaux ce soir. Oh, écoute. Je peux avoir un petit pupitre? Parce qu'en fait, je devais faire une chanson. Tu me remercieras en fait, privé, je devais faire... putain. Un petit texto. C'est bon, pour... c'est bon, laisse-la. Non, devais... En fait, pas... attends, parce que je suis en train de dire des trucs. Okay. Je devais faire un petit morceau, une petite compo. Et puis bah, là, en fait, moi, je pensais que je faisais la première partie. Ouais, bah voilà. Ouais, du coup, je ne la faisais pas. Donc, j'ai voulu m'asseoir sur la rangée là, mais il n'y avait pas de place. Donc, j'étais en loge et j'avais un peu de temps. Donc, c'est une autre petite chanson. Ah, tu fais pas celle que... Non, mais c'est une chanson à moi, c'est une compo aussi. Ok. Ok, mais c'est sur quoi? Voilà. C'est une chanson qui parle de ce que j'aime pas trop chez les gens. Ok. Okay. Théo, si tu veux des fois m'accompagner, tu peux, mais tu viens pas sur mes solos. Les gens qui parlent la bouche pleine, qui font des guillemets avec les doigts. Les gens qui retweetent les compliments et qui disent lol à haute voix. Les gens qui croient que faire un podcast, ça fait d'eux des mecs branchés. Alors qu'ils refont les grosses têtes avec plus de vulgarité. Attends, Lolo, attends, non, attends, Lolo, deux secondes. Attends, arrête de jouer. C'est, tu parles de nous en fait là. La fin du truc. On mais aurait dit nous. Non, un peu. J'ai dit je parle de ce que j'aime pas chez les gens. Le truc avec les podcasts. Mais ça parle pas de vous, putain. C'est oui, pardon. Okay. Bah, t'es pas, en général, quoi. Franchement, là, c'est très humiliant. Pardon. Pardon. Désolé. Les gens qui klaxonnent quand ça bouchonne, voilà. Et qui se garent en livraison. Les gens qui croient que la moustache, ça les rend un peu moins cons. Ceux qui font les mêmes running gags sans se rendre compte qu'ils sont relous. On a compris, putain, que la série c'est groom, c'est la seule dans laquelle tu joues. Oh les gens... Attends. Alors. Non, attends. Lolo. Bah. Ouais, non. N'importe quoi déjà. J'ai joué dans d'autres trucs donc mais voilà. Il y a plein d'acteurs dans le groupe. Ouais, putain, ouais, Adrien, ouais, là. Avec une moustache. C'est incroyable, l'ego sur. J'ai joué dans d'autres trucs mec. En fait. T'as peut-être pas Disney Channel, mais j'étais dedans. Ok. Je peux donc... continuer, Flo, s'il te plaît. Oui, ouais, mais... Adrien, c'est. Si ça devient okay. Perso. Il y a fait, un dernier c'est... couplet, donc est-ce que je peux oui. au moins. Oui, aller oui. Au bout non, mais Adrien, de... Adrien, le prends pas. Je pense qu'elle a pas fait. Ça m'a demandé du travail de rester une heure comme une conne dans les loges. Voilà, les gros mots. Super. Les gens qui mettent des t-shirts geek alors qu'ils ont bientôt 30 ans. Oh bah. Qui retournent sucer McFly et Carlito pour s'acheter des vrais vêtements. Oh. Ceux qui savent pas écrire une chute alors ils mettent une musique à la fin. Ceux qui sont incapables de faire jouir leur copine car ils jutent au bout d'une minute 20. Non, Léonore. Ils éjaculent très ouais, rapidement. C'est-à-dire que t'as à peine non, le temps Léonore, de. Ils avaient compris juter, t'as pas besoin de synonyme, ils avaient compris juter, je pense. Et c'est une moyenne basse. Ouais. Est-ce que je peux faire le refrain? Je vous jure. Là, c'était vraiment. Enfin, la fin, c'est nous deux, mais le. Non, ouais. Mais c'est les t-shirts, c'était toi. Genre, sucer McFly et Carlito, je l'ai un peu plus perso. Les gars, le refrain n'a rien à voir avec. Tu le promets. Parce que, bah, donc là, et je vous jure, après, j'arrête. Okay. Ça n'a rien à voir avec nous, le refrain. Non, parce que là, on était quand même dans une bonne ambiance. Et, ça plombe un peu, quoi. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Nouvelles écoutes et binge audio ont vraiment bien fait de pas les signer. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, faut bien l'avouer. Merci. Le gag du ventriloque en début de spectacle était vraiment nul à chier. Avec moi. Flo et Adrien merci. Sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Allez, Bataclan. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Tu vas suivre le côté. Donc voilà. Ok. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. La caution. Flo et Adrien sont de gros tas de merde, il faut bien l'avouer. Merci et Lolo, merci. Bon gros tas de merde de la bonne chasse. Merci à tous. Ok. Super. Ouais, merci. Chamé. Chamé. Bah, tu restes avec nous, Lolo, dans la bonne ambiance, là. Du coup, ouais. L'autre chanson était mieux, hein. Ouais. La première prévue, là. Nous avons donc... Petit jingle. Et Léonore Coste. Et Baptiste Le Caplain. Baptiste Le Caplain, c'est Baptiste Le Caplain. C'est Baptiste Le Caplain, c'est copie comique. Non, pardon. Oh non. Oh non, non. Oh wow. Mince. J'ai un droit de réponse. C'est pas moi, j'ai pas le bon logiciel. Bonsoir. Pire entrée du monde. Colle bien ta bouche au micro, Eleonore, hein, quand tu parles. Ah, c'était la place oh, de... Ouais. Non, non, pas du tout. C'est pour dire pour qu'on entende bien, c'est tout. C'est un enfer, je sais pas faire ça, moi. Oh, écoute. T'as tellement de talent. Attends. Quel nigo. Ah, ouais, tu vas te débrouiller. Oh, putain, j'ai de la force. Ok, en fait, j'ai... T'es en train de le péter, ça. Ouais, voilà. Comme tout à l'heure avec Yvick et Poulpe, on va faire un petit jeu pour savoir qui commence à raconter des petites histoires. Et je propose qu'on remette le jingle du Coluche. Jingle Coluche. Jingle Coluche. Jingle Coluche. C'est le Jingle Coluche. Jingle Coluche, c'est le Jingle Coluche. C'est le Jingle Coluche. Exact. Oh là là. Baptiste, content? Mais il n'y a aucun respect. T'as vu, on dirait un peu une chanson de Benabar. Ouais. Voilà. Jingle Coluche. Attends. Mais... Y'a pas de pièces dans le range-monnaie. Mais le range-monnaie, ça sert à quoi? Ça sert à ranger la monnaie. Qui n'a pas mis de billets dans le range-monnaie? Oh, je dénonce! Oh, Bruno, attention à la voiture! Ah. Heureusement, y'avait le range-monnaie. Bravo. Le range-monnaie. Le range... Le mot... Il a inventé un ustensile. Le fameux range-monnaie. D'où un range-monnaie peut arrêter un accident. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un porte-monnaie. Rien du tout. D'accord, pardon. Ah non, mais d'accord, si on est déjà sur la critique de la chanson... Qui pas du tout, même pas. Arrête, je m'intéresse. Donc, on va faire le jeu du Coluche. Et Léonore, vu que tu as fait une super chanson sur nous, je te propose de commencer. Donc, je vais te dire une phrase. À toi de savoir si c'est une phrase de Coluche. Vous avez entendu les règles avant quand je, on a je vais dit répéter, ou pas je vais répéter, non. D'accord, pardon. Mais tu sais que c'est millimétré. Hein. Oui, bah, c'est calibré. C'est, je vous montre un exemple, par exemple. Voilà, recevoir un SMS de la personne qui te plaît est une bonne façon de commencer la journée. C'est pas une phrase de Coluche. D'accord. C'est une phrase de Coluche phrase, le compte Twitter. Le compte d'accord. Twitter Coluche phrase, voilà, qui est une personne, juste une personne. On sait pas qui c'est d'ailleurs. Peut-être c'est Baptiste. C'est marrant comme jeu. Bah là, on sent tes antennes qui, aïe aïe aïe, tu te dis. Oh c'est mais copié. Je peux pas être partout. C'est copié sur Coluche un peu, non? Tu te dis. Exactement. Je sais pas, hein. Alors. C'est génial parce qu'en disant que c'est moi, ça fait que c'est pas toi. Tu détournes l'attention sur moi. Alors que c'est Méniel. Alors, le premier, Lolo. Des idées, tout le monde en a, souvent les mêmes. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. Ça s'affiche pas sur le... Non, bah non, sinon je te dis la réponse. Alors, tu peux le redire? Des idées, tout le monde en a, souvent les mêmes. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. Non. Eh, alors non. Mais... S'il y a... un Jeff Panaclock bis dans la salle qui met la main dans le cul de quelque chose pour dire des choses que je ne dis pas. Et voilà. Je m'excuse. Mais je comprends rien à ce qui se passe. En fait, oh, mais t'as, personne, ouais, bah, t'as qu'à chanter alors. Parce que t'es allé voir Joker, c'est pour ça. Il revient de Joker et du coup il fait des trucs. Bah, il est des cinglé idées, comme le Joker lui. Des idées, tout le monde en a souvent. Non, mais les d'accord. Mêmes. Alors est-ce que je peux juste demander est-ce que. Parce que je trouve que ça fait très test. Est-ce que. Bah, moi j'ai peur que ce soit une phrase très culte que tout le monde connaît et non. De dire que c'est y pas lui. Il n'y a pas de piège. C'est et après, t'as qu'on dise ah, elle est vraiment trop conne. Non, mais non, mais il n'y a pas de piège. On n'est pas dans Hugo délire. Est-ce que tu peux la redire une dernière fois? Des idées, tout le monde en a. Souvent les mêmes. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir. Ça peut être lui. J'ai envie de dire non, mais bon. C'est pas non. Coluche pour toi? Non. Ou est-ce que c'est Coluche? Eh bien, non. C'était Coluche. Ah oui, c'est Coluche. Non, bien sûr. C'était sûr, je hais les jeux. Coluche qui a déteste... volé pas mal de blagues. Hein, elle déteste deux choses, les jeux et raconter des histoires sur elle. C'est pour ça que je me suis dit, elle est parfaite. Non, mais je comprends pas pourquoi tu m'as invité, parce que c'est vrai que j'ai. Bon, tu sais très bien. Vraiment beaucoup, de, beaucoup d'enthousiasme chez les invités ce soir. Baptiste, oui la méchanceté et la grossièreté sont les armes de la stupidité. C'est pas Coluche. Coluche phrase ? C'est la méchanceté et la, et la grossièreté sont les armes de la stupidité. Non, c'est Goebbels, ça. Non. Donc, c'est pas... En 41, il l'a dit. C'est Coluche phrase ? Non, c'est Coluche phrase, ouais. Eh bien non, c'est Coluche. Oh, le coup bas. La Coluche qui était jamais grossier, en plus, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Éléonore. Bah, il va faire quoi ? C'est quoi ? Ah, bah là, vraiment. Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, bah montre-lui que t'as un million de raisons de sourire. Ah. Ah, t'as été ému un peu. Ça t'a touché. Non, ça peut pas être lui, ça. Ça, c'est pas lui ? C'est une chanson coupée de... C'est lui ? Ah merde, non, c'est un exemple. C'est la mauvaise phrase. Ah, j'ai foiré. Je vais gâcher. Oh, t'es nul. Oh, écoutez, c'est pas mon ordi. Bon, c'était Coluche France, mais j'ai pas l'exemple. Bon, écoute, hein. Baptiste. Oui. Attends, rappelle les scores, on est à combien, là ? 0-0. 0-0. Ah non, elle vient d'avoir une bonne réponse, là. Ah, mais oui, j'ai un point. T'as un point. Ouais. Baptiste, dans un « je rigole », il y a toujours de la vérité. Sachant qu'on vient de le voir à l'écran, comme indice. Oh, il l'avait pas vu. Ouais. J'ai tourné. C'est vrai que je l'ai pas vu. Il l'avait pas vu. Mais non, après, on est à égalité. Il y a du quelque chose là. Ah, il est fort. Oh là là. Donc, c'est Coluche Phrase. Oh, t'es fort. Ouais, ouais, je suis un peu devin. Éléonore, un garçon qui fait taire une fille en embrassant, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, bon. Qui fait taire une fille en hein. l'embrassant. C'est un peu un début de viol. Ouais. C'est Coluche Phrase. Ouais, c'est Coluche Phrase qui est. Ouais, qui... Oh, putain, mais qui a dit ça? Merde. Il y en a marre de ces voix là. Le nouveau spectacle, Baptiste Name Drop. Baptiste Name Drop des blazes et fout ses potes dans la et merde. Et en première partie, le range-monnaie. Le range-monnaie. Du coup, c'est Éléonore qui a gagné, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Grande culture. Éléonore, toi, j'aimerais que tu parles aussi de ta première fois artistique. Éléonore. Là, c'est juste, elle se fout ta gueule. Il n'y a, ouais. a rien d'autre. Et en même temps, je suis OK. Ben oui, c'est la bonne conquête. Ouais, je me faisais tabasser à l'école, on continue, hein, c'est ouais, pas... Ouais, bah... Ah, on est sur une droite lignée. Ça j'avais des trucs à raconter. Ouais. Donc oui, Éléonore, toi, t'as... t'as commencé... tu as joué dans une série parmi tes débuts. Ouais. Est-ce que tu peux en dire son titre ? C'était Plus belle la vie. On peut l'appeler ? Oh non. Et c'était très bien payé, d'accord ? Mais on n'est pas obligé de se justifier de tout ce qu'on a fait dans notre carrière chacun. Hein. C'est donc justifié là... de ouf. C'était très bien payé. Et à Marseille, il fait beau. Et le carton est recyclable. Là, c'est la place des gens qui ont fait des trucs honteux, mais bien payés, apparemment. Juste là. Là. Oh, il parle des vies. Putain, tam. Donc, j'aimerais que tu parles, parce que tu m'as raconté que potentiellement, dans le public de Plus belle la vie, tu as eu des petites... voilà. Dans ce début de notoriété que tu as eu, parce que tu as commencé, c'était quel personnage toi, que tu faisais dans Plus belle la vie ? C'était une meuf qui s'appelait Ophélie et qui avait 15 ans. Et toi, donc, t'avais ? Qui faisait des. Bah alors attends, parce que c'est. Ah non, c'est. Parce que ça, c'est. Alors attends, parce que. Ouais. Pauline, c'est monté après. En ouais. fait, c'est parce que j'ai. Je raconte deux anecdotes en une. Mais parce que. Le rôle de. C'était Ophélie, elle avait 15 ans et j'avais passé le casting, j'étais âgée de 25 ans et j'avais dit que j'avais 16 ans. On t'a rasé comme moi ? Ouais. Ça passe nickel. Et puis incroyable, je l'ai eu quoi. Parce que moi j'ai jamais eu un casting. C'est pas incroyable, t'as du talent, c'est tout. Ouais. C'est pas une blague. Et bref, et donc du coup, quand la prod a demandé mon numéro de sécu et qu'ils ont su que j'avais 25 ans. Aïe aïe aïe. Ah bah je me suis fait taper sur les doigts. Hein. Mais t'as quand même été prise, t'avais déjà tout signé. J'ai quand même été prise, bah c'est trop tard, tout était lancé quoi. Et le truc c'est que je jouais une pseudo méchante, voilà, qui demandait à sa pote de lui faire ses devoirs, je lui piquais son mec. Oh la méchante, ouais. Une peste. Ouais, une peste. Et du coup, le public de Plus belle la vie, ils sont vraiment en mode, ils pensent vraiment en fait qu'on est le personnage, oui. Et qu'on caste, qu'en fait le casting c'est des acteurs qui sont réellement ceux qui les interprètent. Des débiles, tu veux dire. Et... Non, mais après, il dit ça avec toute la gentillesse qui correspond à Adrien. Non, mais et voilà. Quand t'arrives en tournage sur le studio, t'arrives en voiture avec un chauffeur, et il y a des fans, beaucoup, qui attendent devant les portes du studio. Et donc, quand moi, mes épisodes ont commencé à être diffusés, et ben moi, il y avait vraiment des gens qui attendaient et qui gueulaient « Salope ! Ophélie la pute ! Ophélie, elle a fait faire cette voix à des gens, mais quelle connasse ! » Et Ophélie, les coupées doubles, elle s'appelle Reviens. Wow. Et même à Paris, quoi, souvent j'entendais... Chez les intellos. Pas chez les vieux bouseux. Pas que chez les débilos de Provence, hein, à Paris aussi. Même en pays civilisé, il y avait des gens qui... Non, mais je veux dire, pas que devant le studio, les gens qui me reconnaissaient, ils avaient ce truc de... Ah, c'est Ophélie. Du coup, les scénaristes, il faut voilà. Opérer, après, j'ai eu pareil avec le visiteur du futur. Voilà. Sauf que les gens avaient peur. Ah, ils avaient peur, peur de toi. Là, ils avaient peur. Pourquoi tu faisais quoi dans Le Visiteur du Futur? Pardon, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais une... si François est dans la salle... Pardon. Calmos. Non, je faisais une, Calmos, une psychopathe nympho qui tuait gratos. Quoi. Et puis pareil, qui rendait jamais une copie double. Hein. Non, jamais. C'est une constante. Une véritable peste. Ça lui colle. Hein, ça lui colle. Elle mettait le classeur pour empêcher qu'on copie sur elle. Ah, les gauchers. Qu'est-ce j'ai détesté, les gauchers. Voilà. Baptiste ? Oui, Toi, t'as commencé par la scène, t'as pas commencé par jouer dans, dans des séries. Oui, j'ai démarré mon spectacle en 2008 dans un ancien pipe show à Pigalle. J'ai l'impression que tous les scènes de peur, ils commencent dans des anciens pipe shows. Ça s'appelait Le Bourron. En un seul mot ? C'est pas une blague. Et la scène était ronde, parce que c'était vraiment l'ancien pipe show de l'époque. Sauf que tu sais, t'envoies pas un mail quand, quand l'établissement ferme. Il n'y a jamais un mail du gérant qui dit « c'était une belle aventure ». Merci à tous ses clients de nous avoir suivis et maintenant place à l'humour. Et la caissière de l'époque n'était autre que Bérangère Krief qui démarrait. Ouais. Et c'était Bérangère ma caissière et la pauvre, elle s'est tapée. Et t'imagines les gars à Pigalle un samedi soir à 21h45 qui arrivent avec une gaule comme un qui disent « Salut, je peux avoir une place ?» Alors non, je suis désolé, c'est plus du tout ce qui se passait avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'ai chaud. Et c'est un spectacle d'humour. C'est des blagues de cul ? Non, pas du tout. C'est un mec, il est sur scène, il a poil. Et vraiment, elle gérait 5 cigales. Allez voir Podcast, c'est là-bas. Et vraiment, elle rentrait. J'en peux plus, il y a 3 gars qui voulaient se branler. Bon, finalement, il n'y en a que un qui vient de voir. Et j'ai vraiment dû convertir des gars à ça. Donc à ça, l'humour. C'est, à l'humour. Ouais. Et bah, en tant que comédien, non, c'était pas ça. C'était t'es un bâtard. C'était une série sur France 2 pour la délation. Ça. C'était ouais, strictement... tu peux parler, mec. Eh, oh. Ouais, oh, tu peux parler, hein. Ouais. Parce que t'es copie comics, pour ça que je dis ça. C'est toi. T'as de plus en plus la fermeté d'un CRS de province. Il tend plus qu'une lance à incendie en disant reculez. Pas dans la manif. Oups, pardon. C'était strictement... Tu l'as vu ? T'es dedans ? C'est Davy, Davy Mourier. Oh, c'est Davy Mourier. Je suis dedans. Oh merde. Oh merde. Je suis à fond dedans. Mais Davy, en plus... Alors, Davy, c'est le meilleur rôle dans toute la série. Il fait quoi ? Il fait un prof de... Il fait un coach de volley qui est pervers et il est extraordinaire. C'est le meilleur épisode. C'est un peu regardable, c'est celui-là. Oh mon Dieu, mais David, on était dessus, c'est vrai. Strictement pas vu, qui était une série qui était diffusée donc sur la 2, sur l'émission KD2A. KD2A pour carrément déconseiller aux adultes. Wow. Alors, Ranger les grands, on va regarder des trucs un fou. Alors, c'est la question co, c'est qui est revenu. Strictement platonique, ouais. qui est le Friends français, à mes yeux. C'est, alors, le créateur de la série nous avait un peu vendu ça avec David. Moi, je veux faire Friends à la française, et puis plein de références, un peu comme ça. Il y a des images qui vont partir, enculé. Oh, pas du tout. Je serais un bâtard. Mais même aux enfants de la télé, ils les ont pas eu. Hein. Ils sont sur YouTube, vraiment. C'est vraiment très simple. Je sais que c'est sur YouTube, mais il n'y a pas beaucoup de vues. On va se regarder un extrait pour non, comprendre. Non, non, non. Non, quoi. Non, mais c'est mieux. Mais les gens vont comprendre. On va éteindre la salle, on va se mettre un petit extrait, ça dure 45 minutes. Non, je... On peut commenter en live ? Ça, je l'ai rajouté. Waouh ! Ouais, c'est du 140p. Wow. C'est un friend, mais pas vraiment. Ah, on dit le web, on dit le web. Deux geeks, j'ai l'impression. Ah, on a des suites à capuche. Pour l'instant, c'est un début sketch Golden Moustache. Là. Mais quoi ? Death Note à mes yeux. Hugo, ça va ? Ah, oh, t'es malade ! Bah, t'es resté immobile pendant une heure. J'ai employé les grands moyens. Une heure ? Mais tu pouvais pas me réveiller avant, toi. J'en peux plus. Impossible de travailler avec vous deux. J'ai une traduction à rendre pour demain. Plus deux articles qui paient ma part du loyer de cet appartement minable. Et en très plus, j'ai même plus de connexion internet. Énormément d'infos d'un coup. Ah bah oui, tiens. Je vais m'asseoir ici. Tiens, et Sybille, est-ce que tu peux me passer un peu d'encre, s'il te plaît? De l'encre comme dans tous les foyers étudiants. Oui. Est-ce que t'as une plume et de l'encre? Bien sûr. Et ça devient vrai ? Stranger Things. Waouh. Ok. Attends, je rêve, me dis pas que... Quoi ? Génial, la lumière au bout. Hugo, qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi ce truc ? Bah, quand j'ai ouvert le livre, j'ai lu un message qui expliquait comment s'en servir. Mais se servir de quoi ? C'est quoi ce cahier ? Bah, le livre. Il va expliquer, je pense. Le livre du destin. Alors ? Ouais ! Moi, j'aime bien. Bah ouais. C'est comme Death Note, mais en nul. Non. Et que de chemin parcouru. Moi, c'est le chemin que je veux qu'on regarde, pas le départ. Oui. Okay. Ça t'a enrichi, certainement, j'imagine. Ok, je suis copie-comique. Que de chemin. J'avais trop de retard. Non, mais quand on te propose une série à la Friends, et clairement, les premiers jours, on dit, c'est un peu Death Note, et le gars, ça n'a rien à voir. Et il me dit, je veux que tu sois le rôle principal d'une série, donc c'est 26 épisodes de 26 minutes. Hein. Donc quand même. Tu te dis, on a un an et demi de tournage. On a tourné en 2 mois et demi. Alors, un film, faut savoir, c'est ça trois... Ça se voit pas, hein, ça se ressent ça pas. Ça se ressent coup. Pas. Sur le résultat non, tu final. Sens, tu sens qu'ils ont privilégié la réal, c'est vrai. Ouais. C'est un enfer. On tournait 18... Alors, un film, c'est 3-4 minutes utiles par jour. En gros, tu tournes une scène et demie d'un film au cinéma. Voilà, en gros. La scène d'ouverture avec Jean Dujardin de OSS 117.2, ça c'est un jour de tournage. Nous, en une journée, on faisait 18 séquences. Et c'est vrai qu'OSS 117.2... Et le réal disait, personne tourne comme ça en Europe, ok ? C'est un peu normal. Mais c'est vrai que si tu mets côte à côte ça et OSS 117, on dit, ah, il y a une petite différence. Non mais, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des... Mais on avait un budget, alors t'apprends le métier à une vitesse folle, parce qu'après quand t'arrives au cinéma, tu fais, oh, on a le temps. Et on va répéter, on répète, mais on est hors budget. Tu vois, t'arrives, t'es complètement désarçonné, mais au moins c'est formateur. Mais il y avait des journées, on se tapait des journées, gars. À un moment donné, on avait le droit, vraiment, le tournage avançait, on n'était pas des super comédiens, on démarrait. Oh. Non, j'étais pas bon. Non. Hey, si. Laissez-moi m'auto-flageller. Moi j'étais dedans, j'étais dedans. La France aime ça, d'accord. Et les 2-3 premiers jours, on était vraiment en retard, et le réel, à un moment donné, il dit, oh putain, on est complètement en retard, on est dans la merde. Donc cette prise, on doit la faire en une prise. Basta, il n'y aura pas de plus de prise aujourd'hui. On fait tout une prise. Ok, Stéphane. Il s'appelle vraiment Stéphane ou pas ? Il s'appelait Stéphane Kopecky. Il s'appelait, puisqu'il a changé de nom. Il est sur une route. Non, il est gentil. Dans le Nevada avec un jean. C'est horrible, je le vois dans la ville où j'habite. Je lui fais... Il fait oui. Hey, on l'a fait en une prise, le bonjour. Ta gueule. Eh, j'ai encore le carnet, hein. Oui, bah garde-le. Et vraiment, la première fois que je me suis fait trucider sur un tournage, c'était ce jour-là. Et on démarre. Personne, hein. Une prise. Baptiste, tu fais pas chier, hein. La scène, elle dure 3 minutes. C'est impossible à réaliser, vraiment. Ouais. Vraiment. Je me dis, je peux le faire, j'en ai rien à foutre, d'accord. Je suis Daniel Day-Lewis. C'est exactement ce que je me disais à l'époque. J'avais pas la ref. Je suis le mec dans Le Dernier des Mohicans. Et je suis derrière une porte et je dois rentrer dans l'appartement et je dois faire Sibyl. Tous les prénoms sont improbables. La meuf dont je suis amoureux s'appelle Moira. Personne s'appelle Moira. C'est une référence à... Ouais, c'est bon, on a compris. Il n'y a que des références. C'est devenu toutes des applications sur mobile derrière. C'est que des prénoms, c'est devenu des applis. Mmh. Ton personnage monde... s'appelait Akinator, je crois, dans la série. Comment je me... Et donc, je suis derrière la porte et tout le monde est... Allez, on la tourne en une prise, ok, Matt? Ok, pas de problème. Ok, et attention moteur. Il y avait un moteur quand même. Oh, grand luxe. Et j'ouvre Hollywood. Et j'ouvre la porte, je fais Moira, je voulais te dire. Pardon, je suis vraiment désolé. Coupé, on la garde, on en a rien à foutre. On change de scène. Il y a une scène où je rentre, j'éternue, gars. Je fais vraiment. Pardon, il coupe avant. Tu regardes la et cam. Et tout l'épisode après, il faut qu'on trouve un truc, Bat. Bah, je dis que j'ai une allergie tout l'épisode. Génial. Et tout l'épisode, je fais ce rhume, ça ne vient de nulle part. Il n'y a aucun scénariste qui a fait. C'est mon idée de ouf. C'est une prise de. Et pourquoi ça s'appelle strictement platonique alors que ça parle d'un bouquin avec magique. Des pouvoirs? Bah parce que c'est là où il nous a un peu berné, le créateur de la série, avec David, il pourra confirmer, c'est qu'il nous avait dit il y a des scènes un peu Friends, on veut viser un public un peu adulte, mais il y avait des scènes un peu... C'était quand même carrément déconseillé aux adultes, donc c'était pas vraiment ouais. Pour les ouais, adultes. Ouais, mais non, mais il nous l'a vendu un peu comme ça, sauf que strictement platonique, c'est, il se passe strictement rien, on se roule juste une ou deux pelles à la et fin. Allez, coureur. Allez, les rumeurs qui courent. Le range-monnaie. Mais ça forge, parce qu'au moins, après, quand tu arrives sur un tournage de cinéma, t'es au taquet. Mais c'est, avec le recul, c'est une bonne expérience. Le truc où je me suis fait enculer, et par contre, là-dessus, c'est que tu tournes, on était payé le plus bas salaire de la planète Terre. David, tu te souviens combien on était payé? David, oh, okay. Tu as dit là. David, j'ai dit David. Ah d'accord, oui. Pardon, j'avais compris David. Ça va, le CRS, là? Tu vas me gazer? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas mon gilet jaune? Qu'est-ce que tu vas me faire? Wow. J'aime bien, le flashball politique. Et que tu tournes, et on était payé donc 230 euros brut par jour de tournage, alors que tu donnais tout. Je donnais tout, gars. Et que tu étais payé 230 euros brut, que tu tournes une scène ou 18. C'est là où je me faisais ken, parce que moi j'étais sur toutes les scènes. Et à l'époque, mon agent, qui était vraiment un agent nul, je crois que c'était l'équivalent d'un flamant rose, vraiment, il m'avait dit, oh, je te jure, c'est un bon deal. C'est ce que disait aussi. Ça les mérite les 21 euros quand même. Tous ces bips. Vous êtes en froid. Pas, oh. Du tout. Non. Pas du tout. Bah non, mais c'était formateur aussi. C'était le même un peu. Mais on apprend le métier. En vrai, on rigole, je me moque, mais c'est des très bons souvenirs parce que je me suis fait des copains sur cette série. C'était cool. Mais bien sûr. Et dont David, on a beaucoup rigolé. L'épisode avec David est vraiment super. Hein. Il je suis désolé, je les ai pas tous matés. Ah ouais, ok. Ouais. J'avoue, j'ai. Tu sais qu'il y a un mannequin de ouf, Willy, qui est dedans. C'est le mannequin l'égérie Diesel, je crois maintenant. C'est le plus beau mannequin. C'est mec. Moi, c'est moi en vrai. C'est moi. C'est toi? Ouais. Ah, je me disais aussi avec bah ce ouais. Petit cul. Oh, Benabar ouais. Hein? Benabar. Non, petit, il dirait pas petit cul, Benabar. Ouais, il dirait popotin. Le jean taille bas, c'est bien trop bas. Le jean taille haute, et bien pour la girafe. Faut que j'arrête d'écrire avec toi, hein. T'es ouais, insupportable. Plus personne comprend. Vous êtes des délireurs, en fait. Ouais. D'accord. On a notre univers. Ouais, ouais. Je vois, une petite, vous êtes dans votre bulle comme Diams, un peu. J'ai l'impression. Adrien, toi, en parlant de truc formateur. Oui, bah, l'anecdote dont je. Oui, bah, justement, c'était une pub pour Warner. Donc, une grosse boîte où, a priori, il y a de l'argent et tout. Mais moi, je débutais dans le métier, j'avais jamais fait ça du tout. Et du coup, quelqu'un était venu me voir pendant le tournage pour me demander, pour me dire combien j'allais être payé. Parce que généralement, on en parle avant. Généralement. Là, j'étais assis, je me souviens, j'étais assis dans un couloir. Avec un pépito. Oui. Ouais, voilà. Et il vient me voir, il me fait ouais, donc c'est payé. Alors, je vais dire 300 euros, mais c'était peut-être moins. Et il me dit c'est payé 300 euros, ça va? Et donc, moi, je n'y connais rien, donc je dis ouais. Il fait oui, super, super, super. Donc, je me dis ah, il avait l'air très content que je dise oui. Donc. Et plus tard, pendant une réunion, donc ça s'appelait le brand content, c'était les réunions pub un peu qu'on faisait. Et à un moment, donc il y avait le responsable de la pub à Golden Moustache qui menait la réunion. Et il dit un truc et je dis ah bah, super, on va encore se faire arnaquer sur ce coup-là. Et là, il a été outré, il est sorti de ses gonds, il a dit non mais ça va, t'arrêtes pas de dire ça. Est-ce que je t'ai déjà arnaqué une seule fois? Et je lui dis bah la pub Warner. Et il fait oui c'est vrai, là, je t'avais arnaqué. Il a dit bah il faut le faire au moins une fois, voilà, c'était là, très très honnête quoi. Vraiment c'était un peu glaçant quoi. Et tu parles. Non, mais alors peut-être pas les noms, ah, vraiment. Ben, non. Non non. Là en plus personne à la rêve, c'est très gratos. Là c'est juste s'il entend, il sera blessé, c'est vraiment. Non, c'est moi, pas lui. J'allais c'est dire pas lui. Ce producteur en fait à la base c'était le flamant rose agent de Baptiste, il s'est reconverti. C'est un mais, bon en fait deal, je suis un bien meilleur. C'est un bon deal. Mais je suis bien meilleur producteur, c'est vrai. En fait. Il mangeait du plancton énormément, enfin c'est. Des petites algues. Toi, Éléonore, en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu as commencé avec de la télé et après, tu es venu au web. Est-ce que toi, tu as découvert. Parce qu'il y a des gens qui adorent tourner sur Internet parce que justement, c'est un peu plus tranquille. Est-ce que toi, comment tu défendrais, en gros, et je pète mon micro, comment tu défendrais de faire des tournages sur YouTube? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Parce que là, on se moque gentiment. Mais... C'est juste que tu n'as pas le choix. Ouais. Cool! J'essayais de t'amener sur un truc positif. Non, mais je vais être positif. Si, c'est, ouais. T'as une immense liberté. Oui. C'est vrai. Et oui. Et t'es en contact direct avec les gens. Ouais. On voit que tu cherches. Mais non, je cherche pas. Mais ouais, si on voit que tu cherches. Tu fais ce que je fais, ouf. Ce que je veux aujourd'hui, voilà, dans mon travail. Genre, je veux dire, avant, ben voilà, je jouais une paix, j'ai joué des trucs pas très intéressants en télé. Et ben aujourd'hui, c'est peut-être moins de thunes, mais je suis beaucoup plus heureuse. Waouh. Tu veux dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Ah! Mais toi, t'as découvert. Tu t'es auto-applaudi? Ouais! Fou! Non, parce que t'as découvert l'écriture, toi aussi, par le fait de jouer la comédie. Ouais. Comment t'as... Moi, je... parce qu'en fait, à Golden Moustache, on avait un truc qui s'appelait le Lab. Ah et, oui. Et j'étais directeur artistique du Lab. Et en gros, le Lab, c'était en gros une espèce de petite porte d'entrée pour tester des sketchs avant d'être mis sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, à l'époque, le YouTube de Golden Moustache, ça pouvait être un peu la guerre, en fait, parce que les gens avaient Surikat, Akimo Miri. Enfin, et si tu sortais un truc avec pas les têtes que les gens connaissent. Il y avait moi aussi, mais c'est pas. Apparemment, c'est vraiment en dessous du tapis, ça. Il ne laisse rien passer. Non, mais bah déjà qu'elle m'a pas remercié tout à l'heure. Et donc, bref. T'es Bakri pour moi, t'entends? T'es Bakri. Bah, arrête, tu rigoles. Et donc, vu que c'était un peu la guerre et que tu te faisais parfois un peu défoncer sur Golden Moustache quand t'étais une tête que les gens connaissaient pas, on avait créé ce truc pour s'exercer à faire des sketchs. Et moi, un des premiers sketchs que j'ai aidé Éléonore à écrire et à mettre en scène. Que t'as validé, qui est parti en prod. J'ai été payé pour ce sketch. Que j'ai validé très vite. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'un rapport et avec. Bah, c'est malheureusement Nicolas Bernand n'est pas là, ouais. Parce qu'il s'est bloqué le dos. Parce qu'il jouait du coup le paix. Le paix. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Parce que le sketch s'appelle le paix et ouais, c'était l'histoire d'une fille. Enfin, l'histoire, c'est que j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je pétais. Et que ce mon qui paix... t'arrive jamais dans la vie en plus. Pas trop. C'est une malformation que j'ai. Et mon. Okay. Et donc on se marre pas. Le shaming, pardon. Et mon paix devenait Nicolas Bernaud. Et j'arrive sur un tournage et je dis à Nico, mec, c'est trop bizarre, j'ai rêvé. Enfin, je sais pas comment te l'expliquer, mais je rêvais que je pétais et que c'était toi. Et, moi, et du moi, coup, je l'ai écrit, je l'ai lu en réunion, mais avec les larmes aux yeux, en me disant, mais ça passera jamais. Et moi, Flo, il a dit banco direct. Moi, j'étais à côté avec le flamant rose, on adore. J'en mets. Il y a un univers. Et bah du coup après l'autoroute du succès derrière. Bah après la levrette romantique. Ah, c'est ça, voilà, toute une série de sketchs au final. Et t'as fait un peu de musique Lolo aussi. Est-ce que tu veux que je lance d'abord Baptiste sur quelque chose et quand tu réfléchis à l'anecdote quand t'as commencé la musique, parce que c'est vrai que vous êtes tous les invités de ce soir, vous touchez à plein de trucs ouais, différents. Des couteaux suisses. Pas du tout. Bah si, toi tu fais. Mais tu fais quoi? Bah t'écris, tu joues. Toi tu fais de la science-fiction. Ouais. Tu fais de la scène. Je suis scénariste, je crée des histoires en éternuant. Et puis tu fais des montages vidéo aussi. Mais je suis dégoûté. Je suis... Non. Non mais. Voilà. Non mais je veux dire, t'as fait de la scène. Et moi j'aimerais que tu parles la première fois que t'as fait de la scène, peut-être même ton premier festival d'humour. Ah, Rocancourt que... Quoi? À Rocancourt. Je crois que tu voulais dire avec Christophe Rocancourt. J'étais là genre. Ouais, ok. Bon, je connais un peu les sales gars du métier. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? À Rocancourt. Oh là là, mon Dieu, mais quel. C'était où? C'est à. Putain, mais mec, mais. T'as tellement un mauvais fond. C'est rigolo. Mais pas du tout. T'es tellement. Je vais vous dire la vérité. T'es un proctologue qui met plus de gants quand on a plus rien à foutre. Allongez-vous. Mettez-vous à quatre pattes, monsieur Thierry. Vous mettez pas de gants. J'ai loupé gynéco à deux points. Ah, oh, ça pue la merde. Comment? J'ai dit ça pue là la merde. Ah pardon. Parce qu'il met le pouce dans le trou de balle dans ton trou du cul. Dans ton petit scénario là, c'est ça. Dans mon petit scénario. D'accord. Dans ton petit scénario. Parce que c'était qu'est-ce très que haut en fait. Par petit scénario là. C'était très haut en fait. Donc je me demandais là, quelle était la position. Sur la table, je l'ai hyper bien joué. Un flamant rose. Il l'a hyper bien joué. Je peux faire tous les personnages. Je voudrais savoir ce que Michel Sardou a pensé de cette petite scénette. Je vais. D'accord. Oh dur. C'est sa vraie voix. Ah c'est lui. On dirait Predator dans. Je vais. Et là il y a le laser. Yeah. Non, mais génial, on va en refaire 8. Non, non mais c'est nul. C'est très rigolo parce que pas en fait t'as fait les grosses têtes et vraiment. C'est les mêmes rapports qu'avec Jean-Pierre de Laurent Ruquier, c'est un dommage. Avec le Jean-Pierre et le Cabache, c'est la même chose. De quoi? Pas le Cabache, j'ai oublié son nom. Non, c'est avec non, celui que j'ai clashé. Oui. Pierre Bénichou. C'est les mêmes rapports, c'est les mêmes rapports. Et donc la gentil, première fois Pierre que t'as fait de la scène. Non, c'est alors. Ah, pas moi donc. Je démarre donc dans au théâtre du Bout à Pigalle et on me dit voilà à un moment donné il faut faire des festivals. Et comme le spectacle marchait plutôt bien, au début, on m'a dit « T'es sélectionné sur le festival de Rocancourt ». Et tous les humoristes qui démarraient me disaient « C'est à côté de Versailles ». Et « Mec, tu fais Rocancourt ?» Thomas VDB me fait « Mec, tu fais Rocancourt ?» Très, très Thomas m'a vraiment dit « Eh man, tu fais Rocancourt ? Si tu gagnes le prix, man, t'as 3000 balles. 3000 euros. C'est deux saisons de Strictement Platonique. Mais on tu joues un sketch de 10 minutes, tu gagnes, et tu gagnes le concours, t'as 3000 euros. Et moi, je fais, what? C'est pas possible. Non, c'était 20 minutes, pardon, 20 minutes. Oh, j'ai menti. Oh, Pinocchio. Et donc, je joue le vendredi. C'est le vendredi. Je sais comment le faire rigoler, c'est insupportable. Je passe trop de temps avec ce mec. Et je joue, c'était le vendredi soir. Et le jeudi, je vais m'exercer au Pranzo. C'était la scène ouverte qu'il y avait à Paris. Et je joue les 20 minutes que je vais jouer le lendemain. Et il n'y a que des humoristes dans la salle. Il y a Arnaud Samer, Thomas VDB, Florent Père, 10 spectateurs. Et je fais le sketch devant 20 humoristes, 10 spectateurs. Qui sont considérés comme le public le plus dur. Et ouais, et je retourne la salle. Mais vraiment, les mecs me disent, tu fais ça au concours demain, t'es un génie. J'ai trois vœux, tellement t'es un génie. On a la ref, on n'a pas la ref. Wow. Salut les geekos. En même temps, t'es Akinator, donc... Ok. C'est vrai que tu es Akinator. On a la ref Aladdin, juste le dessin animé que tout le monde a vu. Et vous avez la ref, les geeks? Star Wars. Et à la fin, le bateau, il coule. Ok, c'est Titanic dont je parlais. Bande de ringos. Ah, putain, je me déteste. Bon, alors, attends. Tu vas te refaire le spectacle chez toi. Oh là là, quel enfer. Et j'arrive en concours et je passe en premier. Je passe en premier et tous les humoristes sur place, apparemment, t'as tout déchiré hier, Bato Pranzo. Je fais, ouais, mais on verra. Chaque soir est différent. Et dans ma tête, j'ai tellement gagné. Et j'avais précommandé le MacBook. Et c'est là où vraiment je suis le premier Mac, un des premiers Mac est sorti. Je dis, je le précommande. C'est là où c'est pas bien de dire je fais cartonner. Et je joue, mec, je fais le même sketch. Il y a 400 personnes dans la salle et il y a un silence. Mais il y a un tel silence que dans mon premier spectacle, je faisais le crabe qui se déplaçait dans l'aquarium et il y avait un tel silence. Tu jouais un animal ? Ouais, j'aime bien faire les animaux. C'est fou, hein ? Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça me vient comme ça. Il y avait un tel silence qu'on entendait ça. Et ça arrive à la 17e minute. Hein. C'est le meilleur moment du passage. Je fais « Gigi !»« Gigi !» Et mon metteur en scène était en haut, je le voyais, il était comme ça. Et à un moment donné, pour te dire à quel point je suis en bas, hein, il y a quelqu'un qui, dans la salle, fait « qui éternue, je fais « À vos souhaits !» 200 personnes font « Ah, ah, ah, ah !» Et moi, je fais « Ah, vous devriez éternuer plus souvent !» Et là, re-silence. Et j'ai vraiment fait « Vous devriez éternuer plus souvent !» Et t'as le réel du Strictement Platonique. C'est génial ! Il a éternué ! Il a éternué dans ça ! C'est l'épisode 7 de la saison 1. À la base, c'était pas prévu. Hein. Et je me suis ramassé la gueule, évidemment. Et le gars qui a gagné derrière, c'est Tano, qui faisait un sketch sur le Corse, et il a gagné 3000 balles. Et je me suis ramassé la gueule, mais littéralement. Et du coup, tu les as vus après les humoristes. Tu fais « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas... » Ah ouais, putain, c'est fou. À ce qui paraît, tu t'es planté. Thomas VDB. Ah man, tu t'es planté, man. Ah, c'est pas cool, hein. T'as fait comment pour le Mac ? J'étais à découvert. J'ai vraiment été à découvert pendant... Et le Mac, je l'ai gardé en symbole. Je l'ai vraiment gardé. Il marche plus, mais je l'ai gardé en symbole d'un bide. Ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Baptiste. Ça t'a enrichi. Non, mais c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Et Léonore, toi, t'as un souvenir sur scène, en concert, un truc où... où ça réagit pas, où ça... C'est... En musique, j'ai l'impression que c'est encore plus flippant, quoi. Il y a une espèce de truc... Non, parce qu'en musique, t'es... Ok. Enfin, non, mais j'ai pas de mauvaise expérience musicale. Parce que souvent, j'ai été avec ma sœur aussi, qui parle beaucoup, beaucoup sur scène, qui rattrape vachement la sauce, où j'avais toujours un guitariste avec moi, etc. En revanche, j'ai des très mauvais souvenirs de... J'ai fait une année de petits passages de seul en scène et ça a vraiment été l'enfer. Genre ? Genre déjà dans ma vie personnelle, c'était insomnie, enfin vraiment je ne dormais plus du tout. Avant de jouer Davy qui est là m'a subi. Mais j'ai l'impression que Davy c'est un peu le rond-point. Mais Davy, ouais. Davy me mettait en scène aussi. Donc du coup il essaie de me rassurer, mais moi j'ai très mal vécu ça. Et donc ouais, une fois où je suis passée au Cactus Comedy et déjà le nom, ouais. Et en fait le gars qui m'a présenté c'était un gars qui était fan du Visiteur du Futur à l'époque, etc. Et en fait, il m'a présenté en disant « Bon, la prochaine invitée qui va venir jouer, c'était mon fantasme. Ah, qu'est-ce que je me suis branlée sur elle ?» Ah là là, c'était Sarah Lombardi, j'arrive pas à croire qu'elle est là et tout. Bah, et putain, et moi j'arrive sur ça. Ouais, et tu sais, genre j'ai vraiment... et en plus, vraiment ma première phrase c'était « Bon bah j'ai appris hier que mon père avait un cancer. » Et alors... j'arrivais en plus avec un truc mais qui avait rien à voir. T'aurais dû venir en concours, j'aurais peut-être gagné. T'as qui revient, qui bon, je regrette la branlette. Mauvaise expérience. Et lui, il commente sur ton Instagram un peu, non, je pense. Avec plusieurs comptes, non enfin, ah c'est... non, bah, lui, je sais, lui, il est humoriste, en fait. Ah d'accord. Ah bon ouais. Mais qui dit je me suis branlé sur elle. Veuillez l'applaudir. Non, mais c'était en mode, c'était sa petite blague de merde pour faire rire. Mais tu sais pas. Bon, c'était Baptiste, ok. C'est incroyable, les humoristes qui sont tellement classe, normalement. Mais ouais, c'est nul, hein. Ouais, c'est pas bien. Ah, ça a foutu une sale ambiance. Ouais. Moche. Mais l'introduction un peu pourrie, t'en as eu une aussi, je crois, Baptiste. Pas le proctologue. Une c'est-à-dire introduction. Bah, à ce fameux festival, le gars t'avait présenté en mode. Ah non, mais ouais, c'était horrible. Ah non, c'était un. Ah putain, mais oui, excuse-moi, j'ai oublié ce truc. C'était un enculé. Cette soirée est sortie de ma tête indéfiniment. Mais le gars qui vient me présenter, je peux dire son nom ou pas? Comment il s'appelait? Oh bah tu sais, t'es plus à sa près, j'ai envie de dire. Il s'appelait. Il fait Baptiste, c'est moi qui te présente et qui te déprésente. Pour la déprésentation, j'ai un truc. Pour te présenter, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Je suis humoriste. Strictement platonique. Non mais attends, le gars me dit, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Il me dit, tu viens de quelle ville? Mortain, Normandie. Ok. Parce qu'ici on est à Roconcours. Waouh! Les places les moins chères. À l'heure actuelle. Mais attends. À l'heure actuelle, ça veut dire que la ville est vide. Et là, il y a un cambrioleur, il ouvre tout avec sa bite. Alors, on va personne n'est dans la ville. Attends, Baptiste, on va débriefer pourquoi il s'habite. Pourquoi s'habite, ouais. Bah, si j'étais un cambrioleur et que j'étais vraiment tout seul dans la ville, c'est ce que je ferais. Ça se tient. J'ouvrirais le frigo comme ça. Ouh, bah dis donc, c'est pas dans un endroit où j'irais d'habitude. C'est un personnage de cartoon de chien dans Scooby-Doo. C'est la voix. Oh, les postillons. Ouais, t'as vu un peu? Je l'ai vu aussi, j'ai failli surfer dessus. Une molaire, toi. On dirait une de tes molaires a éjaculé, a fait « Ah !» Même les places les moins chères l'ont vu, je crois. Vous êtes de Mortain, vraiment, les amis? Et vous êtes venus exprès? Non. Tu sens la falitude des gars de Mortain. Il y a quelqu'un qui a essayé de mentir. T'es pas Coldplay non plus, mon pote. Je ne sais. Et alors attends, et donc il me dit, t'habites où? Je dis à Mortain, à Normandie, et t'as eu quoi comme bac? Je dis, j'ai eu un bac littéraire. Ok. Bah, je trouverai un truc avec ça. J'ai moi, tout. C'est la pire présentation du monde, quoi. Et il arrive sur scène, il fait, mesdames et messieurs, je vous demande d'acclamer Baptiste Le Caplain. Il a pas du tout dit ça. Bon, bref, je rentre sur scène, je me prends le beat de ma life, je sors de scène, et donc il n'y a pas d'applause. Je fais, merci beaucoup. Bonsoir. Et je sors, il revient, il fait, mesdames et messieurs, veuillez applaudir cette fois Baptiste Le Caplain. Et donc les gens font, c'était nul. Et il m'accueille, mais vraiment il me fait ça, il fait, et voilà, il s'appelle Baptiste, il vient de Mortain, il a un bac littéraire. Et moi je fais, mais il a plus rien derrière du coup. Et il dit cette phrase, et il voulait savoir si Gérard Cybelle était dans la salle ce soir. Et je fais, mais pas du tout, j'ai mis ça. Et Gérard Cybelle fait, il est là. Comme Davy a fait, le même, il est là. Gérard Cybelle, sachez qu'à l'époque, c'était lui qui décidait si ta carrière faisait ou pas. C'était le si gars ta carrière qui, était une majorité. C'était le gars de Juste pour rire. C'est le mec qui avait recruté Florence Foresti et tout. Et le mec disait, lui, dans un an, il fait des zéniths. Et je ne savais pas qu'il était là. Et il est là, Gérard? Et il fait, il est là. Et je le regarde, il fait. Et il me regarde, il fait. Eh ben, il est là. Je fais, oh, fils de pute. J'ai vraiment fait un fils de pute. Je serai comique. Ah. C'est une constante, hein. Non mais en vrai, c'est pas moi. Non mais Flaubert, dis-le, putain, on passe du temps ensemble. Mais non, c'est pas lui. C'est pas que toi. Non, c'est Méniel. Bon bah écoutez, sur ces belles paroles. On va finir là-dessus. Ben ouais, mon gars. Peut-être wow. Tu veux faire un flamant rose. Oh, je l'ai un peu beaucoup fait. Hé, hey, attends, on se connaît. Il y a un lien familial avec Martin ou pas? Tu veux qu'on te laisse? Bah, tu connais. Mais attends, je veux savoir quand même. Oui, ça, bah, non mais c'est une ville de 1700 habitants. 1005, il y a eu la grippe. Donc, Ah, qui a fait des ravages hein, là-bas. Ouais, okay. Des ravages. Vous êtes d'où à Mortain exactement? Oh putain, je vois le public. Quelle famille? On se connaît? Non? Tu connais ma sœur? C'est toi la pilule du lendemain? C'est... Bah écoute, on va finir là-dessus du ouais. coup. On va finir là-dessus. C'est mieux. C'était Baptiste Caplan et Léonore Cosse. Micro. Bah écoutez les amis, c'est la fin de ce podcast déjà. Et bah, oui. C'est pas ma faute. Mais bah écoutez, merci beaucoup. Et puis bah à très bientôt. Voilà, merci, ciao, bye. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Et voilà, c'était le Floatcast en live au Bataclan pour la première fois. J'espère que le show était à la hauteur de l'argent que vous y avez investi. Pour ma part, petit regret, il n'y a pas eu d'enculade, mais enfin, hein, les goûts et les couleurs. Non, vraiment déçu. Toutefois, vous avez eu affaire, et d'ailleurs je pense que vous l'avez bien senti tout au long de la soirée, à un véritable show à l'américaine. Et comme dans tout show à l'américaine, on a gardé le plus gros truc pour la fin. Un rappel. Et voici venu le moment de la surprise, alors je laisse le geek en surpoids et le moustachu sarcastique vous l'annoncer eux-mêmes. Attention, c'est du giga lourd Jaja au DD Fortnite. Je maîtrise le langage des jeunes. Claqué au sol aussi. Voilà, j'adore les mèmes. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Angèle et Roméo Elvis. Ça marche, ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bonsoir. Donc je suis Roméo Elvis, le vrai quoi, le rappeur. Voilà. Bonjour, c'est Angèle Lafrite. Non. Pas l'accent. On avait dit que tu fais pas l'accent parce que là ils y croient, mais c'est mort si tu fais l'accent. Ils savent que c'est pas nous quoi. Je le sentais. Ouais, ça se tentait, mais non. Enfin, je veux dire, moi Roméo Elvis, bien sûr. J'ai pas trouvé les paroles. Avant, je voyais la vie uniquement en noir et blanc. Maintenant, je la vois plus du tout, c'est quand même un peu gênant. Je suis venu te voir pour une légère myopie. Je t'ai demandé ton nom et tu m'as dit Docteur Guigui. Une heure et demie de retard, pas le temps de me laver les mains. Je suis peut-être pas opticien, mais avec toi je serai au petit soin. La frite. C'est vrai que j'ai pas de diplôme, mais je veux qu'on ouvre mon cœur de pierre. Et encore désolé pour leur gelée sur la paupière. L'amour en t'aveugle à ce qu'on m'a dit. C'est vrai que je vois plus grâce au docteur Guigui. Sur les avis Google. Et avec toi, je me sens seul. J'ai raté. J'ai cédé à ton charme, entre nous ça va si vite. Des larmes coulent sur ma joue, mais c'est peut-être la conjonctivite. Derrière cet ophtalmo, c'est vrai que je ne suis qu'un homme. Angèle. Et encore désolé pour ce petit début de glaucome. Des éclairs plein les yeux, qu'est-il en train de nous arriver? C'est sûrement mon laser qui te transperce la cornée. Tu m'as tapé dans l'œil, ça, en sens propre, ça fait super mal. J'ai beau prendre ton cœur, je ne prends pas la carte vitale. Salaud, l'amour rend aveugle à ce qu'on m'a dit. C'est vrai que je vois plus grâce au docteur Guigui. Zéro étoile sur les avis Google. Mais grâce à toi, c'est vrai que je me sens seul. Solo. Je suis peut-être fait arnaquer par un ophtalmo, mais je vais bientôt pouvoir ressortir dehors. On m'a greffé une puce dans le cerveau, et ça, à mes yeux, c'est Black Mirror. Là, on rentre aveugle à ce qu'on m'a dit. C'était le Floodcast. Je vous demande de faire du bruit pour tous nos invités. Monsieur Poulpe, Mister V, Éléonore Coste, Baptiste Le Caplin, Maxence, Enzo qui est venu faire de la guitare avec nous et qui est pas là, il vit que c'est barré. On va pas donner les remerciements. Du coup, ben, merci à vous tous. Merci à toute l'équipe du Bataclan, à toute l'équipe Lumière, toute l'équipe Son. Merci à Antoine à la prod. Merci à Julien Pestel qui est venu faire un sketch avec nous. Il y a la flèche, c'est ridicule. Il y a le curseur. Merci beaucoup. Merci Théo. Merci mon frère, je t'aime, d'accord. Et merci Adrien. Ouais, merci Flo. Au revoir tout le monde. Salut. Merci.